Salut les petits clous, vous êtes bien sur RQC et c'est 80 à l'heure. Allez, à plus, ciao. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, vous êtes bien dans l'émission 80 à l'heure sur RQC 95 FM. Et oui, En 8 lettres. En 8 lettres. C'est pas possible. Non, arrêtez. Vas-y, Charles, vas-y. Et arrête. Il croyait qu'on n'allait pas le faire. Allez, bah vas-y, bonsoir à tous. On s'en doutait de toute façon. C'était fait exprès. Oui, donc tu disais. Oui, donc nous sommes donc dans 80 à l'heure. Dans l'émission 80. Oui, dans l'émission 80. Bah, nous, on y est à un fond dedans, de toute façon. Bah, non, toujours prêt. À fond les manettes. Parle pour toi. Non, bah, pour Canon aussi. Moi, je mets juste un petit bout. Il y a plus tous les garçons là. Alors, on va expliquer quand même. Les gens qui prennent une pression, ils se disent, mais ils font quoi? Alors, on avoue un truc. Oui. C'est que ce soir, bah écoute, on parlait c'est faux, on parlait de la chronique ciné du film Rocco. Voilà, c'est... Oui, exactement, et on va c'est la vérité, et on parlait absolument pas de cul, parce que Rocco commence par AR. C'est ça, exactement, voilà. Et donc non, il va y avoir plein de bonnes choses ce soir, et donc évidemment ce soir on est avec Sherlock. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Mais oui, Sherlock, évidemment on va te retrouver deux fois ce soir. Oui, bah j'espère qu'on va pas me perdre entre deux, mais... Non, bah on va pas te perdre, évidemment, puisqu'à 21h tu vas nous parler de... D'un film dans la chronique ciné rétro 80. Ouais, et donc j'ai un film des années 80. Attends, tu peux faire des phrases... On va me retrouver dans la chronique rétro... On va me retrouver dans un film, ah bon, t'as fait un film. Bah oui, Rocco 2. Rocco et ses amis. Attention, non. Et c'est vrai, non, c'est un court-métrage. Pour l'instant, le titre provisoire, c'est Rocco se rétracte. Les gars, faites gaffe, parce qu'on est en train de se marrer, mais je suis pas sûr que tout le monde comprend. Non, prenne. C'est vrai. Prends ça dans ta gueule. Donc vous l'avez compris, bonsoir quand même. Voilà, vous l'avez compris l'émission, non mais pas. Alors on vous explique, c'est qu'en fait en antenne on est, voilà, toute l'équipe est présente et puis on est à fond la caisse. Hein. Et puis ça fait longtemps qu'on s'était pas retrouvés tous ensemble en fait. Ouais, c'est vrai. La semaine dernière. Non, j'étais pas là. Il était pas là. Je n'étais pas là. Non. Donc c'était. Tu fais pas partie de l'ensemble toi. C'est vrai. Non, si, on est content de te retrouver. Tu as de l'actualité. Absolument, oui, on va parler. Ouais. Tu nous en parleras. Alors, avant de parler, d'annoncer Canon, Sherlock, évidemment, oui. 21h. La chronique ciné rétro 80. 22h. La chronique sortie ciné. Super, voilà. Ça va être génial. Onissa. Allô, bonsoir à tous. Non, mais ça, on s'en fout, c'est juste. Moi, je suis polie, je dis bonsoir. On te retrouve pour quoi? Pour le plaisir. Alors attention, je sens Canon qui va nous la faire. Allez, fais-le. Bonsoir. Non. La chanson d'Herbert, évidemment. Pour le plaisir. Il fait bien Canon. Non, tu déconnes, tu t'es en train d'imiter Herbert Léonard là. Toi, il y a longtemps que t'as pas couché. Ouais, j'essaye. On dirait Dave. Tu plaisantes du coup? Bah vas-y, ouais. Fais-le toi pour voir. On dirait. Pour le plaisir. Là, ça fait. Non. Ça fait Gainsbourg qui se masturbe. Non, il est trop tôt, Canon. Il est trop tôt. Je te promets, ouais, je suis d'accord avec les gros. Pour le plaisir. D'accord, merci, Onissa. Et ben, bonsoir à toi, Onissa. Comment tu vas? Très bien, merci. Tu vas bien? Maintenant que je suis avec vous, oui. Ah, ça fait plaisir. Non, moi, c'est sincère. Ben, nous aussi, c'est sincère. Aussi, sérieux. Moi, j'avais pensé faire des études en gériatrie et pour moi, c'est un bon stage. Ouais, c'est vrai. Voilà, exactement. C'est une bonne introduction. Ouais, Onissa voulait faire des études en mec. Tu m'as dit un jour, mais c'est raté. Toi, tais-toi, je te En tout cas, bonsoir, Onissa. Ce soir, tu vas venir avec ta bonne humeur. Comme d'hab. Parce que tu as, évidemment, tu as décidé donc toutes les deux semaines de nous faire une petite chronique sur les années 80. Hein, oui, des, donc comme des s'allumer, machin. Non, voilà. Et puis comme tu n'es pas content, donc j'essaierai d'en faire une toutes les semaines. Bah oui, tu vas en faire une toutes les semaines, évidemment. Des souvenirs d'enfance, oui, mais il ne faut pas que ce soit... Enfin, ouais, pas les tiens, hein, les souvenirs d'enfance, les s'allumer. Non, les miens, c'est plutôt... Non, c'est pas gay. Non, parce que Charles de Gaulle, machin, pff, on s'en fout un peu. Les souvenirs, ouais, les souvenirs d'enfance de Nissa. Ah bon, ça, c'est les siens. Tu faisais des check-up Et on est avec Canon, évidemment. Chez Chewbacca. Canon, tu as aussi une belle actualité, évidemment. Oui, pas perso, on va parler de pas mal de choses. Il y a des choses qui se profilent sur Moucron, sur Waterloo, bientôt la fête de la musique. Donc c'est on vrai, va parler. Absolument. Voilà, super événement le 21 juillet aussi à Moucron, où cette année la distribution est un peu calme. Eh ben, écoute, moi, j'ai entendu parler. Alors, elle n'est pas officielle. Ouais, on en parlera de la distribution. Elle n'est pas officielle. Par contre, on va recevoir, évidemment, d'ici, peut-être la semaine prochaine d'ailleurs, une des chanteuses qui fera la première partie. Donc, mais après, le reste... j'ai surprise. Eu des doutes ouais, oui. Voilà donc on en parlera bah si c'est bah, notre, on c'est ah, notre oui, on en parlera c'est ça, ouais. On est contradictoires nous on est avec Flipkat oui bonsoir on dit t'es à quoi comment t'es constipé là ou quoi pardon t'es constipé ou quoi pas du tout pourquoi bah, je suis tranquille non, attends, tu mets pas le casque tu mets pas le bah le casque j'aimerais bien il fait comme toi ah il marche pas vous faites l'effet miroir j'adore Harry qui dit t'es très cool t'as pas de casque et le tien ouais je suis cool oui c'est vrai qu'avec tes cheveux on dirait Flipkat a toujours été très cool. Alors, oui. Chronique ce soir sur Non, pas de chronique, malheureusement. Oh, bon. Non, mais ça, tu le savais. Normalement, oui. On devait recevoir Stéphane et tout, quand même. Bon, écoute, après... Alors, voilà, je vais pas m'étaler. Je n'ai pas pu, une fois de plus, en faire une, puisque, pour l'instant, je suis dépendant, problème technique. Le problème, c'est que je pensais qu'effectivement, il y avait Stéphane et... Indépendance, on dit, indépendance. Oui, c'est comme tu veux. Incontinence, pardon. Je voulais dire incontinence. On appelle ça de l'incontinence. Ploum, ploum, je sais pas, je pour Libra. C'est mon partenaire de gériatrie en fait. J'aime. Bah, au moins, c'est le seul. C'est le seul. Lui, c'est le seul à dormir avec Onissa, du coup. Le problème, c'est que le lendemain, il s'en souvient plus. Tu vois. Tu sais, les cinquantenaires. C'est on commence tous les jours. Ah non, mais faut pas croire, les mecs de 50 balais. Pourquoi on n'est pas bon pour la casse hein. Et pourquoi tu dis que t'as 50 balais tu fais pas 50 balais, mon ami. Bon, t'en fais plus. Non. Oui, oui, franchement, j'aurais dit 48, 49. Eh ben moi hier soir on faisait 30. Merci. De rien. 30 ah parce que vous êtes vus hier soir non. Ouais, si t'avais suivi un petit peu, Sherlock vient de dire que le CSE. Eh ben vous allez nous raconter ça. Ouais. 30 ans ou centimètres. Les deux. Ah ben vous allez nous raconter ça, bien évidemment. Ah ça serait rigolo. On devrait inventer des histoires. Tiens nouveau thème. T'en souviens pas. Il faut s'inventer une histoire. Il faut s'inventer une histoire de malaise. Ah oui ouais, ce serait marrant. Voilà, dire. On va lancer aux éditeurs. Mais alors, cette soir, semaine, semaine prochaine, on raconte une histoire déconnante. J'ai passé une soirée avec Daniel Sénessal. très bonne soirée. Ah ouais, il est adorable. Ouais, j'adore. Donc je vais pas dire de bêtises de lui. Alors j'étais avec Maggie Debloch. Maggie Debloch est une très très belle femme. Bon, ben on va revenir sérieux là un petit peu parce que. Non, mais ça va faire rire Chiffon Rouge parce que je sais qu'il nous écoute. Je oui, pense d'ailleurs. À Patrick. À Patrick qui nous écoute de temps en temps. Mmh. Et je sais qu'il adore Maggie Debloch. Ouais. Voilà, par contre, donc, ce soir, ils nous écoutent pas parce qu'ils sont juste en face. Donc, ils ont terminé leur émission. Ah, ils sont arrivés à saquer. Ah, parce que... oui. Non, mais je vous invite à les suivre aussi là-dessus parce que ça sera, je crois, redifféré. Ils sont pas en direct là. Ils ont pas pris le studio mobile. Ouais. Et en fait, ils ont eu des invités. Puis là, maintenant, il y a au Staquet. Il y a un débat, je pense. Je sais pas sur quoi par contre, j'ai pas eu l'actu, mais voilà. Donc on les embrasse. Sur l'avenir de la Belgique, savoir si on annexe tout en France ou un truc, ça doit être un truc vaste débat. Voilà. Si ça devient français ou pas. Alors, hein. Voilà. C'est la Lorraine. Bon bah écoute, oui. Sherlock. La musique, hein. Ouais, musique un peu de musique. Oui, bien sûr. Alors avec Mylène Farmer et Sans Contrefaçon. Non, avec de la musique, on t'a dit. Mais non, mais ça c'est par rapport à Onissa qui nous a parlé tout à l'heure, hors antenne. De Mylène Farmer. Oui, comme quoi elle avait rencontré Mylène Farmer. Au tout début de sa carrière. C'est vrai oui, ah bah tu nous raconteras ça, tiens. Bah, c'est vrai, comme s'il ne savait pas, je lui en ai parlé hors antenne. Elle l'avait pas. Non, mais... Tu m'as dit que tu l'avais rencontrée. Elle avait 3 ans. Je sais pas plus. Elle était nounou. Oui, non, j'avais 17 ans. Voilà. Ah, tu nous raconteras ça juste après, ouais, ce serait cool. Et après ? Et ensuite, on reviendra avec les Rita Mitsuko. Et c'est comme ça. Ah, comme j'ai couché ça. Avec Catherine Ringer. Oh. Ouais, il faudra que je vous raconte. T'es pas le seul. D'ailleurs, on peut parler de Ringer et de Rocco. C'est vrai. Et c'est parti. Et de Dorothée. sur Radio RQC, c'est Sabine Paturel et vous allez écouter mon nouveau single « Je me fous de tout ». Attention, attention, ça va danser. Je me fous de tout et je fous tout en l'air. Je donne des coups, la pantoufle de verre, je la fous au clou, la terre tourne à l'envers. Je mets les bouts. J'adore. Ouais, parce que je mets des bouts de tout. Donc de ça, c'est pas qu'on adore beaucoup. C'est pas je mets des bouts. Non, c'est je me fous. Je me fous de tout. Je me fous de tout. Et il tourne encore, hein, sérieux. Top 50, top 80, non. Si ça, top 80. C'était Génération Top 50, mais alors là, elle est sur une nouvelle tournée. Ouais, c'est la nouvelle tournée, c'est. Santé. Bah, je sais même plus maintenant, du coup. Je sais plus, je l'ai vu sur, sur son Facebook, il n'y a pas de encore, ça tourne encore. Mais alors, justement, on en a déjà parlé, mais réexpliquez-moi un peu, c'est quoi cet engouement pour les artistes des années 80, quoi. Ouais, mais comment c'est ça se fait que ça marche à ce point-là, hein? Ouais, mais maintenant, il n'y a plus, ils font que des reprises et machin. On n'a pas vraiment d'artistes qui éclatent. Ah, attends, explique-moi, mais moi j'adore, hein, vous le savez, j'adore les années 80, mais allez voir sur scène Philippe Cataldo, Émile Image, Sabine Paturel. Ouais, mais ça te rappelle tes jeunes années. C'est oui, la nostalgie. C'est il y a 35 ans, bonsoir. Bon sang de bonsoir. Bon sang de bonsoir, il y a oui, 35 ans. C'est la et ça marche encore, quoi, c'est terrible. Regarde la semaine passée quand on fait l'émission, allez, quand je fais ma chronique Souvenirs d'enfance, on est tous dedans, parce que ça nous rappelle tous les souvenirs de quand on était plus jeune, insouciant, sans les soucis. Non, ouais, non, j'explique parce que là, les gens comprennent pas, tu montes du doigt, non, c'est pas ça, autant je sors des conneries. Non, je te monte dedans du doigt parce que j'ai peur que t'allais sortir une connerie. Non. tu t'as dit on est tous dedans. Tu sais, sincèrement, non, il y a 30 secondes, tu posais la question. Je pense, moi, je suis vraiment un passionné des années 80. Et ouais. Autant, j'ai pas votre culture parce que Sherlock et toi, vous êtes vraiment très. Mais bah, c'est pas normal parce que tu devrais avoir une culture. Oui, mais j'ai une culture, si tu veux, je les ai vécues. Ouais. Et je suis convaincu, je parlais avec pas mal d'ados, de jeunes et tout ça, qui reviennent sans arrêt en me disant telle chanson. Et moi, comme un papy, j'ai le plaisir de leur dire ouais, mais tu sais, tel artiste avait fait ça et de leur faire écouter parfois la version originale. Ils aiment bien. Je pense que. Ça a vraiment été précurseur d'une certaine forme de musique. Il y a eu, on va dire des conneries, les années 60, mais qui ont pris toutes les choses. Le disco a rajouté quelque chose, mais ça a quand même été un courant à tout sens. Mais un jour, tu as eu, je suis passionné par ça, les synthétiseurs qui ont créé des sons. Tu viens d'entendre. Sabine Paturel. Il y en a beaucoup qui en parlent. Sabine Paturel. Mais là, c'est pas normal parce que c'est un de ses derniers titres. Sabine Paturel commence par son dernier titre parce qu'elle a compris, donc c'est beaucoup plus rythmé. C'est sur ce qu'on appelle un arpégiateur un petit peu arrangé. Ça s'appelle un arpégiateur. Ça tourne en boucle. Mais un peu plus moderne, les sons sont beaucoup plus optimisés. Mais ça reprend cette rythmique des années 80 où quand t'entends maintenant certaines chansons, c'est insipide. C'est. Tu ne peux pas les poser sur une table ou devant un clavier, les jouer, te dire mais comment on a pu écrire des choses aussi insipides. Et quand ça sonne en boîte, quand tu les mets maintenant, les gens dansent. Parce qu'ils ont réussi à une certaine époque à créer une ambiance qu'on arrive peu ou prou. Il y a pas mal de groupes qui arrivent encore, mais c'est vrai que je vois même Green Day. Non, mais... Peu ou prou. Bah, j'étais capitaine. J'étais capitaine du Black Sparrow. J'étais plutôt peu que prou. Du Black Pearl, pardon. Black Sparrow, c'est le mec. Hein. Ouais. Et donc, mais je pense que les années 80 ont marqué vraiment une partie de l'histoire. C'est énorme, parce que moi, je vois qu'aujourd'hui, les programmations, ne serait-ce que pour les 14 juillet, le 21 juillet, et on en reparlera tout à l'heure, on retrouve toujours les mêmes. Les Julie Pietri, des Emile et Images, tous les groupes des années 80 reviennent. Bah, ils reviennent, non, parce qu'ils partent jamais. Parce que tous les ans, c'est dur à pousser. Mais partenaires particuliers, début de soirée, ils sont tous là. Ils viennent tous au. Ouais, mais ça fait danser toutes les générations. C'est énorme. Moi, je trouve ça génial. Oui, mais c'est parce qu'il y a quelque chose de particulier. Tu reprends. OMD, tu reprends aussi U2, on va vraiment parler. Mais tu mets du Depeche Mode quand tu regardes Flip avait fait une fois aussi une chronique. Quand tu regardes leur début, c'est des petits groupes qui sont partis de rien et un jour ils ont été repérés parce que ils étaient dans le courant. Duran Duran que j'aime beaucoup, vous connaissez 20 de leurs titres. Et ils tournent encore. Hein. Ils en ont fait 80. Il y a des perles là-dedans acoustiques. Ils ont réussi à mixer cette musique acoustique, novatrice, où tout était permis, on faisait des vidéos qui ressemblaient à rien. Quand tu vois les clips, etc., ça ressemblait à rien. Mais voilà. Pourtant, ça plaisait parce qu'on était à l'écran en couleur, on était dans la libération sexuelle, on pouvait commencer à sortir. On avait. Mais non, enfin, mais bon, c'est à mon âge, libération sexuelle. Mais si, mais c'est vrai. Parle pour toi. Oh, tu rigoles quoi? Non, sérieux. Les femmes ont conquis dans les années 60 une certaine forme d'indépendance, mais dans les années 80, ça a explosé de vivre. Ouais, mais j'étais un peu jeune, hein, dans les années 80. Excuse-moi, t'avais quel âge dans les années T'as quel âge Moi, j'ai 14 années. Hein, bah, t'avais quoi 14 années. Hein. 14 c'est, c'est pour pas te donner mon âge. Non, mais t'as quel âge, t'as quel âge 43. Bah alors, t'es dans notre génération, qu'est-ce que tu nous racontes, toi? Bah oui. Oui, tout. Mais... ton premier rapport, toi, c'était 19 ans, tu m'avais dit, moi, c'était 11. Je suis né en 74, en 74. Et l'avènement des années 80, c'est bien années 80, donc j'avais 6 ans, là, ah ouais, ouais. 12 ans, 15 ans, non, bah, moi j'ai 15 ans, c'était le plein moment. Ouais, pas bah, parle pour toi, mais moi non, ah non, moi j'étais sage prude. Minimale. Moi j'avais 15 ans, effectivement, en 80, ouais. Ouais, bah je me doute. Et toi, justement, alors flip peut-être les années 80 pour toi, parce que c'est vrai qu'on a des univers complètement différents, ouais. Et c'est ça qui est bien dans cette émission, et on reviendra sur Sherlock, évidemment, on a tous... Des petites passions pour les années 80. Ouais. Toi, je sais, Onissa, ce que tu aimes dans les années 80. Canon, on commence à connaître. Flipkat, toi, années 80, tu dirais quoi? Parle pas du stress 4. Hein. J'en ai jamais parlé, j'en parlerai jamais, je l'ai toujours dit. T'as jamais parlé du stress 4. Mais si, mais tu peux en parler après. Tu peux en parler. Mais après, ça, c'est autre promesse chose, que je me suis autre chose. Fait, sinon mes passions, ça reste. Groupe des années 80, parce que c'est vrai qu'après. Conjointement, parallèlement à. J'ai découvert le ska et encore aujourd'hui je suis fort imprégné du ska. Et c'est vrai que c'est années 80, mais là c'était plutôt underground quoi, je veux dire, c'est pas... Madness, Madness, Specials... Ah, Madness, ah bah oui, c'est du ska, Madness, ah bah oui. Specials, Gangster, c'est... Non. Par contre le ska a pas eu une trajectoire 3, 4, 5 ans quoi. Excusez-moi juste deux secondes, c'est, je sais pas ce que c'est. Pom, c'est pas Madness, pom, One Step Beyond. Pom, pom, pom, pom, pom, pom. C'est quoi One Step Beyond. Ça dit rien. Il va te le trouver, Sherlock va te le trouver. Si, si, mais non, encore. One step beyond. Dès qu'elle va reprendre. Enfin, quand même, là, c'est incontournable des années 80. Je voulais savoir ce que. Non, ouais, j'aime bien tous ces styles. Non, mais elle l'avait pas reconnu parce que Sherlock l'a mal interprété. J'ai pas couru après les pires. Le phénomène de mode, au bout d'un moment, c'est. Non, ça me plaît pas. J'aime pas ce qui est. Eh ben, tu sais, je vais dire un truc, Flipkat. Pour moi, c'est marrant parce que années 80, pour moi, c'est pas un phénomène de mode du tout. Non, mais il y en a qui ont vraiment adhéré. Énormément de j'ai adhéré aux années 80, je reste aux années 80. C'est peut-être un tort, hein, parce que les musiques d'aujourd'hui, on parle de groupes, je connais pas du tout. Et pour moi, c'est pas un phénomène de mode. Non, mais il y a eu des récupérations. Les années 80. Il y a eu des récupérations parce que dans les années 80, c'était riche, quoi. Il y a eu une explosion en. Allez, tu sais que moi, c'est principalement culture anglo-saxonne. Bien sûr. Il y a énormément de groupes qui ont fait surface avec des nouveaux styles, qui ont même remis au goût du jour des vieux styles. Parler du ska, c'est le cas. Ouais. C'est bravo. Le ouais, hein. Non, sans jeu de mots, ouais. Ah, tu vas nous parler des ouais, B-52, par exemple. Oui, aussi. Y a... Années 80 ou pas? Ou que je me trompe? Ouais, si, ouais, si, ouais, ouais, j'ai déjà fait une chronique aussi. J'adore. Il y a eu plein de... Et j'ai toujours accroché plusieurs... aller plus sur des groupes qui avaient des bases rock quand même, voilà. Et qui existent toujours aujourd'hui, même si aujourd'hui ne sont plus des machines qu'on va retrouver sur des... Ouais, à remplir des salles comme... C'est... moi, ça me plaît, je préfère non. Autant. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce que c'est plus des machines aujourd'hui, mais quand ils remplissent, quand ils viennent faire un Zénith, le Zénith, il est plein. Oui, ça dépend sur quel groupe tu parles. Je prends des groupes comme Scorpion, par exemple, ils viennent au Zénith de Lille, c'est blindé. Alors que les gens... Non, j'ai dit même si, parce que même si ça non, dépend non, de la promo qui peut être faite derrière. Mais t'as des groupes ici d'ici. Bon, même si c'est fin des années 70 plutôt, années 80... Un autre exemple, ZZ Top, ils vont passer ZZ à Petite Forêt. Ouais, voilà. Je vais les voir deux fois en juillet, oui. Par contre, là, on parle de rock, c'est marrant, hein. Mais des groupes un peu plus New Wave, par exemple. Ah bah, il y a ça aussi, oui. New Wave, ouais, non. Alors, ah si. Ma sœur, ah, oui, ben, justement. Dépêche-moi, maintenant que le recul du temps, malgré tu connais ma culture, je suis très, très, très rock, rock ouais. C'est vrai qu'avec le recul du temps, tous ces groupes qui ont vraiment percé la New Wave, OMD, Dépêche Mode, Toc Toc, tous ces groupes-là, je suis éloquent parce que avec ma soeur, c'était un petit peu la bataille quand on rentrait du lycée, c'était le premier qui squattait la platine des parents pour passer nos vinyles. Ah oui. Donc maintenant, c'est quand même des choses, tous ces groupes-là, ça m'est pas inconnu du tout, et au final, avec le recul du temps, par rapport à ce qui se fait, ce que je peux entendre, il y a peut-être mon âge aussi, je me dis, putain, tout compte fait, c'était excellent ce qu'il faisait, même si c'est pas ma tasse de thé. À l'époque, pas en CD, bien sûr. Mais je veux dire, il y a eu d'autres trucs. Même, ouais. Moi, c'était excellent, ouais. C'était innovateur. et qu'elle ne va pas me condamner, effectivement, ils ont innové aussi. Peut-être. Ils ont apporté des sons nouveaux. Oui, non, voilà, c'est clair. Ça. C'était vraiment de la musique expérimentale. Moi, si tu veux, enfin, très rapidement, je suis souvent avec une gamine de 7 ans, un gamin de 12 ans et pas mal de trucs. Et ce qui me fait marrer, c'est quand les musiques passent, c'est tout ce courant depuis une quinzaine d'années qui a disparu. Et de temps en temps, ça ressort. Et c'est vrai que dès que tu mets des musiques, alors il y a un peu la techno et les musiques modernes, mais des musiques fédératrices, c'est assez incroyable. Je pense, là, sans les citer, le petit Courtrai qu'on connaît, qui passe à chaque fois des chanteurs des années 80 ont ce genre de musique. Moi-même, je chante régulièrement. J'ai fait un set de plus de 70 chansons et je me suis tenu sur 28 chansons ouais. que les gens demandent. Et je suis pas sur un public de cinquantenaires ou soixantenaires, sauf humour. Je suis avec des jeunes de 25 ans, 30 ans. Comme ils nous. Ne me demandent que des chansons des années 80. Ouais, voilà. C'est énorme, bien sûr, je chante Amir, on dirait, ça plaît. Ouais. Mais quelque part, c'est beaucoup moins fédérateur. Oh, c'est ça moderne. Va durer qu'un seul temps. Hein. Ouais, parce que lui, Amir, pour le coup, c'est pour le coup, il apporte quelque chose. Mais eux, ils ont vraiment fédéré une époque. Moi, les années 80, je les vois toujours. C'est la musique, je m'en fous. C'était vraiment un art de vivre. Je pense que les gens se sont retrouvés là. On était cool. On se prenait. On parlait des trucs interraciaux actuellement. Moi, j'étais avec Mohamed, Mohamed, tout ça. On se posait pas de questions de religion. On déconnait avec les flics. Par contre, Monsieur l'agent disait maintenant, on était correct. Les filles, on les tenait par la main. On les embrassait, on faisait plein peut-être d'autres trucs et tout, mais on était vachement plus respectueux. On buvait un verre en directement, boire un verre de temps en temps, mais on rentrait pas bourré quand ta mère t'avait dit tu rentres une heure du matin défoncé. Ouais, une personne âgée, moi j'avais les cheveux rasés en damier avec une mèche décolorée, fuck the people. Il y avait une dame âgée qui rentrait dans un bus, je lui laissais ma place. Je veux dire, c'était toute une époque où on était complètement contestataire. Et d'ailleurs, Onissa te remercie. Mais on n'était pas si marqué, c'est-à-dire maintenant, je trouve qu'on part de plus en plus dans l'individualisme, mais la mondialisation, ouais, c'est là, clair, on c'est est clair, de pire en pire. Sûr. Même nous, à notre âge, on se rend compte qu'on a des clivages, qu'on se parle. De plus en plus, maintenant, c'est qu'est-ce que tu possèdes, qu'est-ce que tu fais, mais il faut faire ça. Avant, les gens disaient, on a quoi comme idée ? C'est pas du communisme. Mais danser ou alors, et danser si on faisait ça, ouais, ça. Moi, je me rappelle une fois. On se posait pas la question. Moi, je me rappelle, je m'étais défoncé la gueule avec un copain, c'est-à-dire en fait, on avait bu deux Canterbro parce qu'à l'époque, c'était ça. Ben ouais, mais oui, c'est violent. Et on est sorti devant un quart de flic qui était en train de faire une ronde, je sais pas quoi. On a baissé notre pantalon et pas avec notre truc à montrer nos fesses pour rigoler. Les flics nous ont coursé, pour nous c'était un truc exceptionnel, et nous ont coincé. Et il s'appelait Philippe Leblanc, c'était mon meilleur ami. Et ils nous ont pris en disant, mais qu'est-ce qui vous prend? On disait, ouais, tout ça. Et l'autre, je l'entendrai toujours dire, ouais, mais ça c'est les punks de maintenant. Alors que moi j'étais rasé en damier, etc. Ouais. Et ils nous ont laissé partir en nous engueulant, bien en sûr. Nous avoinant, mais on n'avait rien fait de mal. Ils nous ont arrêtés, c'était oui, monsieur l'agent, on était comme des kékés, oui, quoi. La c'était vie a pas duré, la même. Non, non, mais. Non, il y avait du respect. On dirait des vieux. Non, mais moi, je sais qu'elle a changé. Avant de poser la question à Sherlock, parce que lui aussi a vécu les années 80, désolé, mon ami Sherlock, non, je te le dis, hein, mais. Bah oui, t'as fait un truc cap, maintenant. Bah, oui. En faisant c'est ça qu'il avait 24 ans déjà, en faisant des soirées, allez, bah, presque régulièrement, ça m'arrive au moins une ou deux fois par mois, faire des soirées. Mais il y a des moments où je me dis. Parce qu'il arrive un moment où on arrive à un âge où on se dit bon, allez, on va arrêter nos conneries, quoi, c'est bon, on va passer d'autres trucs. Ah, ça y est, tu vas y commencer, tu vas y arriver. Coupe son micro. excuse-moi, mais je suis désolé. En soirée, je parle en soirée familiale, hein. Tu mets Les Démons de Minuit, Les Sunlight des Tropiques. Ah oui, mais tout ça marche monde, tout le temps. Bien sûr. Alors que c'est une chanson, mais alors, t'écoutes Les Sunlight des Tropiques, moi, ça me fait vomir, quoi. Il y a un test, je te rejoins. C'est énorme, c'est énorme. Dans un mariage, tu mets de la techno, les jeunes dansent. Ouais. Les vieux comme moi restent assis. Ouais. Tu mets les années 80, les vieux cons comme moi dansent, les jeunes aussi. Non, sûr. Mais tout est là, ah, ça c'est sûr. Énorme, tu c'est fais énorme, suffisamment de soirées. Il y a des gens actuellement qui montent c'est des soirées. C'est vrai que les d'accord. années 80, ils font pas les années 70, c'est trop vieux, bien sûr que non. Les jeunes maintenant, mais non, 65 ans, mes parents sont tout à fait mobiles d'aller voir. Mais c'est vrai que ça a moins d'engouement. Et toi, par contre, Flip, par exemple, lui, est dans un rock plus pur quelque part. Tu t'appelles Flip maintenant. Pardon. Bah 4 ça fait con. 4 ça fait con. Mon pseudo, si vous voulez savoir, c'est Flip. Hein. Flip, c'est la contraction de Philippe. C'est Flip. Ah ouais, ouais, c'est un américain. C'est un chanteur. Ouais, Flip, c'était la sauterelle dans Maya l'abeille. Sauterelle Maya l'abeille. C'est un chanteur américain quand il m'a demandé mon. Ils vont dire. Ouais, ouais, je sais pas. Pour une fois, j'étais gentil. Tu vois. Mais non. Non, mais t'as raison. Merci. Flip 4, je t'ai toujours appelé Flip 4 tout d'un coup. Ouais, et je les aimais bien sûr. On va se réconcilier. Ouais, voilà. Attends. Flip 4. Attends, Flip 4. On t'a toujours appelé Flip 4. Non, je les aimais bien, mais tu peux t'appeler Flip. Attends, la semaine prochaine, on va t'appeler Flip. Et si vous voulez. Non, dans un mois on va l'appeler. Ça va, Flip? Bah non, Flip. Non, Flip, c'est un prénom qu'il faut que tu gardes, quoi. C'est un surnom qu'il faut que tu gardes, pas ouais. Flip. Ouais. Ouais, je l'ai depuis 2000, donc voilà. Mais au plus, il est à côté de moi, Flip m'habite. Oh là là, ah si, je serais sûr. Bon, hey, on va arrêter le discours, on va arrêter le débat. Ça marche. Sherlock, il devait nous raconter quand même. Ben bien sûr, mais Sherlock va nous parler au fait voilà. Des années 80, parce que pour toi, effectivement, c'est quoi c'est... Cinéma, ouais, mais lui, cinéma. Non, parce que... Non, arrête, hein, s'il te plaît. Non, parce que, ben justement, alors moi, en 80, j'avais 3 ans, donc... Ouais, mais ça, c'est pas nécessaire. C'est vrai que j'ai découvert ça, on va dire, plus sur le tard, plus vers les 10 ans, plus que... Enfin, toi, t'étais déjà... t'as connu... plus facilement le début des années 80 que moi. Moi, j'ai connu vraiment à partir de 80. Non, je t'arrête tout de suite parce que les titres des années 80, on pouvait les entendre pendant 5, voire 10 ans. Et ils tournaient en boucle parce que ça marchait super d'accord. bien. Donc c'est pour ça que les âges sont différents. Qu'aujourd'hui, on va entendre des titres, ça va tourner un an ou deux. Tu parlais d'Amir, par exemple, que j'aime beaucoup. Hein, oui, mais qui disparaîtra. L'année prochaine, on n'entendra jamais plus parler. Hein. Oui, il n'y a pas de récurrence, voilà. Je suis d'accord avec toi. Que dans les années 80, tu as des titres, bah, tu les entendras tout le temps. Enola Gay, Shout, Just Can't Get Enough. Un gamin de 14 ans, je mets Shout, et lui, il fait When and I, Enola. Je dis, tu connais comment? Bah, il dit, c'est récent. Oh! Non, c'est clair. Ouais, le gamin de 14 ans, il connaît les. Il chante en anglais chewing gum. Le zizi de Pierre Perret. excuse-moi. Le zaï-zaï, traduit. Mais c'est Sherlock qui devait parler. Oui, pardon, Sherlock. Non, mais alors, c'est vrai que moi, j'ai commencé vraiment à connaître, je vais dire, les musiques des années 80 avec le top 50. Ah ouais, ouais. Parce que c'était vraiment. Enfin, avant le top 50, il n'y avait pas vraiment d'émission musicale. Si, enfin les enfants du rock ou les choses comme avait, ça, mais machin et Carpentier là. Ouais, Gilbert Carpentier. Attention. Mais qui avait été acheté. Mais j'étais plus petit, je connaissais pas. Ouais. Bah, j'étais pas né. Moi non plus. Voilà, mais c'est pour ça que j'étais maintenant, petit. Maintenant, t'es très peiné. Et puis le top 50, c'était le rendez-vous. C'était énorme. Par contre, Carpentier, il faut les saluer. Enfin, après, on va faire une pause, mais il faut les saluer. C'est qu'ils ont quand même lancé ce côté-là. Après, ça a été acheté un peu par Claude François, qui avait racheté tous les droits, parce qu'en fait, il n'y avait plus que ses invités. Et puis, mais c'est vrai que c'est eux qui ont quand même lancé un petit peu, maintenant, taratata, tout ce que tu veux. C'est, le top 50, c'est ça. C'est Carpentier qui, redis-moi leur nom. Gilbert Carpentier. C'était des précurseurs comme celui qui a fait Récréa 2 au départ, Christian Izard, oui, qui a lancé. Voilà, absolument. C'est des gens précurseurs. Ah ouais, ouais. Bah, alors donc tu disais années 80 pour toi, Sherlock. Ouais, bah moi j'ai commencé à connaître avec le top 50. Enfin, les premières musiques que j'ai entendues, c'était Michael Jackson, quoi. C'était vraiment l'artiste. Et d'ailleurs, t'en parles, après on va arrêter parce que. Non, mais c'est pas de ta faute, hein. Ouais. Parce que je suis très loquace aussi. Mais... Bah, je crois que les gens nous écoutent. Rappelez-vous quand même, Champs-Élysées, où tout d'un coup, Michel Drucker nous dit: mais attention, les gars, vous allez assister à un clip. Que vous... Attention, les enfants, allez vous coucher, vous allez voir Thriller. Ah ouais. Vous vous rappelez plus de tout ça? Ouais, si, c'est énorme. Tu dis ça moi. Aujourd'hui. Mais, par contre, c'est une petite anecdote. Je suis certain que les auditeurs, c'est rare, je suis certain qu'ils écoutent. Dans quel que soit votre âge. Mais ils écoutent parce que je suis certain qu'ils adorent cette chronique. Quel que soit votre âge, on a plein de trucs. Je pense les ados maintenant, quand je suis agent immobilier, je suis souvent dans des maisons, je vois les ados avec évidemment nous aussi les mecs et les femmes avec des posters d'égérie et tout ça. Moi, je me souviens qu'en fait, j'en ai eu quelques-unes, mais c'était la préadolescence, tout ça. Par contre, je suis d'accord avec toi, un truc qui m'a marqué, il y avait les 45 tours, les trucs et tout ça, c'est le jour, enfin moi c'était Billie Jean, c'est le jour où il y a deux, trois trucs qui sont sortis, c'est qu'en fait c'était pas planétaire par la musique, c'est ça transmettait un nouveau courant, c'est-à-dire qu'il y avait dans la rythmique, il y avait dans les textes que je comprenais pas, j'étais pas anglophone à l'époque et tout ça, il y avait quelque chose, j'avais mon 45 tours, je l'écoutais en boucle, pourtant à l'époque Michael Jackson était un inconnu, quand je regardais il n'y avait pas internet, on m'avait parlé de Michael Jackson, tu faisais comment? C'était les potes qui t'en parlaient, il n'y avait pas internet, il n'y avait rien, tu prenais un magazine et tu voyais les Jackson 5 et je voyais un gamin avec des cheveux crépus des États-Unis des années 70. Raciste. Et c'est là. C'est vrai que moi, quand je vois Starsky Hutch, pour moi, pour résumer, les années 80, c'est comme Starsky Hutch des années 70. Non, écoute-moi. On voyait les mecs en train de tirer, etc. Mais on voyait les mecs avec les grosses radios, on voyait les mecs et tout ça. Et on se disait, les États-Unis sont en avance sur nous de 10 ans. Parce que nous, et tout ça. Et en fait, les années 80, c'est les États-Unis 10 ans après. Ça nous a submergés parce qu'il y a eu la musique, il y a eu les fringues. Moi, j'avais des pompes rouges avec une ceinture jaune style Herbert Léonard pour le plaisir, qui était négérie. Pourtant, je suis hétéro. Mais je veux dire, c'était comme ce soir. Voilà, c'est mon slip qui est jaune, c'est ma ceinture de mon dîme que tu vois. Et je pense que les années 80, c'est ça, c'est qu'on se prenait c'est pas énorme, la tête. C'est vrai. On se prenait pas la tête. Et ben, vous savez quoi ? Je me souviens. Je voulais. Flipcap, tu sais quoi ? Parce que c'est. Non, mais c'est pas grave. Non, mais je te connais. Non, parce que chacun d'entre nous, maintenant ça n'existe plus ou très peu, chacun avait des posters dans sa chambre. Oui. Et ben je veux savoir quel poster vous aviez dans votre chambre. Ouais, ça, j'adorerais savoir ce que vous aviez comme poster. Un poster de Flip. Ouais. Bah on va continuer avec un Flip justement, c'est Flip Cataldo. Avec les divas. Ah oui, parce que t'en parlais tout à l'heure. Qui a écrit la chanson, attention. C'était pas Félix Gray. Je te l'ai dit 15 fois, tu rigoles quoi, Jean Schultes. Et après ? Et les Sunlight des Tropiques, par contre, c'était. Ah, bah ça, c'est une bonne question. C'est Didier Barbelivien. Ah ouais ? Ah, déconne. Je te jure que c'est vrai. Oui, parce qu'en fait, dernièrement, Didier Barbelivien a ressorti un album avec toutes des chansons que lui a écrites, mais qu'il n'avait pas chantées. Ouais. Et dedans, il y a les Sunlight des Tropiques. Voilà. Et j'aime bien, moi. Ça fait partie, tu vois. Je vais la chanter bientôt. De notre jeunesse. Ouais, canon, la chante bientôt. Philippe Cataldo avec les Divas du Dancing et on viendra avec Ray Parker Jr. avec Ghostbusters. Philippe Cat, je t'oublie pas, hein, parce que tu vas nous parler de tes posters dans ta chambre. Mais tu nous feras la dénonce. Là, il fait du Philippe Cat. Non, ta gueule. C'est pas obligatoire. Allez, c'est parti. Tu vas être déçu. Les violons, ça fait rêver. Les yeux dans les yeux, fais-les tourner. Et fais-toi désirer. Toi qui connais si bien le cœur des femmes, tous les mots qui les enflamment, c'est qui le temps d'un temps douce dame, frémissante et parfumée. Toi tu sais où les trouver. Les divas du dancing, les divas du dancing, les cinglés du mambo, celles qu'on ne verra jamais dans les discos, les fans du saxo, les félis du passo, celles qui pensent encore au temps du Mikado. Dans l'ombre d'un palmier, toi qui fais brûler la chair des femmes, sans jamais donner ton âme à celle qui sous ton regard se pâme, frémissante et parfumée. Toi tu sais où les trouver, les divas du dancing. Diva du dancing, corps serré, cœur glacé. Elles gardent de toi un peu de gomina sur le bout de leurs doigts quand elles ont caressé cette nuque bleue qu'elles aiment embrasser. Les divas du dancing, les divas du dancing, sans jamais donner ton âme, sans jamais verser de larmes, larmes, larmes. answered. Who you gonna call? Ghostbusters! There's something weird, and it don't look good. Who you gonna call? Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. This is Lee John of Imagination. Écoutez, 80 à l'heure, RQC, 95 FM. Lee John of Imagination, you're listening to Illusion. Eh oui, ben nous voilà, donc il paraît que je dois faire la dénonce, c'est ça? Eh ben oui, mais eh ben, on a bien fait la dénonce. Je dénonce André Malraux. Pardon. Juste avant, donc on avait Ray Parker Junior avec Ghost et puis le Ghostbusters. Pardon. Et je sais plus le titre précédent. C'était Philippe Cataldo avec les Divas du Dancing. Ah oui, non, je croyais que tu allais me parler de Lee John parce que là, tu m'en veux. Ah, du tout, non. Parce que ça fait et ça fait deux ans. Et ça fait quoi? Je te le rappelle plus. Un an. Par contre, un aparté Philippe Cataldo, vous me faites toujours chier que les formants. Toutes les émissions, vous sortez au moins une fois. Bah, c'est parce qu'on aime bien. C'est parce qu'on t'aime bien. Parce que t'es un pirate. Un forbant, c'est un pirate. Moi, c'est parce que je t'aime bien. Et on est dans une radio pirate, et ben voilà. Non, en plus, j'ai été sympa parce qu'il y a quelques temps de ça, j'avais même fait une chronique sur les forbans. Oui, c'est vrai. Mais elle était très bien. Mais non, mais en fait, moi, je suis frustré parce que j'étais pas là. J'aimerais bien qu'on la refasse quand même. Alors, je m'étais dit, ils vont me foutre la paix, tu comprends, chronique surprise. Ben non, pas du tout. C'est loupé. Ah non, parce que maintenant, on attend sur les vagabonds. Attends. Ah ouais. Clip 4. Oui. Sherlock, on prend plein la gueule. Oui. Ouais, ouais. Alors, Canon. Encore pire quand il n'est pas là. Ouais. Vous êtes témoin quand même. C'est vrai. Et Onissa... moi, même quand je suis là. Et même Onissa, quand elle est là. Mais je vous rassure, parce que Sherlock m'envoie l'émission quand il est rentré chez lui à 1h du matin. Ouais. Et je l'écoute le lendemain. Donc j'écoute tout ce que vous dites. Et t'en prends plein la gueule. Ben oui, évidemment. Non, j'ai jamais réagi. Je fais des compilations. Vous savez que je fais du montage. Ouais. Donc je prends vos voix. Et vous avez certaines expressions. Non, mais vous. Ça, oui, on commence à le savoir. Vous avez des expressions. Vous avez des expressions qui reviennent tout le temps. Ah ouais. Et il faut de la matière. Ah, mais vous verrez. Et en fait, je les accélère. Tu sais, comme j'avais fait ton montage avec machin. Ouais, c'est introduit, machin. C'est comme là. Non, mais c'était pas moi là. On reprend, tata. Bon, on reprend, on prend, prend, prend, prend, tata. Ah, on reprend, tata. Je suis en train de faire montage. On a hâte. Ouais, voilà. Eh bien, on va reprendre avec Flipkat, parce que Flipkat, ouais. Justement, Flipkat, effectivement, tu voulais nous parler des années 80. Alors. Tout à l'heure, je voulais simplement dire, c'était pour clôturer. Je me souviens, moi, d'une émission que j'aimais bien, je loupais pas. Je sais de quoi tu as parlé. Vas-y, c'était. Laisse-le parler quand même. Culture rock. Ah, oui, il y avait aussi ça, mais c'était pas ma. Ah non, ah, ouais, d'accord. Non, c'était Les Enfants du Rock avec De Cônes. Ah, Les Enfants du Rock, bah, je pensais à ça, Les Enfants du Rock. Et il y avait une autre émission, peut-être ça, ça vous parle. Et il y avait Philippe Manœuvre. Ouais, les gosses. Et si, présentait ça. Et il y avait aussi. Salut les rockers. Moi, j'ai fait une émission télé avec De Cônes aussi. Elle s'appelait Sarah et Nathalie. Oh, salut. Non. Si, si. Bon, ouais, arrête, Canon. Bon, ah et, ouais, et t'as raison. Et Ouba Ouba aussi. Et comment tu dis? Ouais. Ah, c'est Marsupilami. C'est en Belgique. Mais non. À l'origine, le concept, je sais, il venait pas de France. Mais je crois que oui, c'est bien possible. C'était bien sur des chaînes belges. C'est une expression de Marsupilami. Oui, mais dans les années 80, parce que j'aimais bien, je pouvais voir des trucs qui sortaient de ce que moi j'appelais déjà à l'époque du commercial. Voilà. Et bien justement, maintenant, toi, Flipkat, qui est très rock quand même. Très ska, très rockabilly, machin. Aujourd'hui, est-ce que tu t'y retrouves dans les radios, dans les émissions? Du tout. Nous, les gars. Absolument pas. Est-ce qu'on s'y retrouve? Pourquoi commercial, c'est les trucs. C'est vrai que quand je regarde, il y a beaucoup de gens qui méritent de percer, qui parfois y arrivent et qui sont pas passés. Ben, ah oui. Tous ces Star Academy et tous ces trucs là. Jeff Buck, par exemple, qui est un, je sais pas si ça te parle. Non. C'est un petit jeune. Jeff Buckley, mais Jeff Blunt. Non. Jeff Beck. Ah pardon. Buck. Non. En fait, c'est une synthèse au niveau de la voix de Dylan et puis un mélange de Johnny Cash et il a pas besoin de passer. Bob Dylan. Ouais. J'ai dit quoi? Jack, je crois que t'as dit Jack. Ah non, il a juste dit Dylan. Ah pardon. Lan. Voilà. Ouais, très franchement, je peux faire Shrek. Mais et c'est pour ça que j'ai fait aussi la fois dernière par rapport à Radio Caroline. Dylan de Shrek. C'est des radios. Je me souviens parce que ça sortait du lot. Ça sortait des sentiers battus. Ça se démarquait. Voilà. Et tout ça, c'est je suis très nostalgique. Tu me connais. Oui. Maintenant, on se connaît un peu quand même. Et parfois, tu fais des chroniques où je me dis mais d'où ça sort ces chroniques, quoi, d'où ça sort ces groupes, d'où c'est. C'est une faiblesse et c'est une force. Parce que, la force, c'est que il y a tellement de choses qui existent en musique. Et malheureusement, alors, moi je vais parler que pour les chaînes françaises. Les chaînes françaises, au niveau musical, on est zéro, quoi. Enfin, oui, mais voilà. Oui, c'est on n'a rien. Donnez-moi le nom d'une émission. Non, mais ben, voilà. Taratata qui passe une fois tous les. Ouais, c'est ça. Alors, là, je suis très sacrificiel parce que Taratata a quand même été un monument. Mais ça l'est toujours, mais ça passe encore, mais ça passe une fois tous les... Tu rejoins un petit peu, ce que je voulais t'expliquer une fois, c'est que j'ai rien contre la chanson française, je n'aime pas, tout simplement, ça c'est mon droit, pas dit que c'était nul, mais très franchement, voilà, tu viens de donner la réponse, si je devais donner un complément à ce que j'ai toujours affirmé, je n'aime pas, la musique française ne m'intéresse pas, il y a eu très peu de groupes ou de chanteurs dans les années 80 qui ont marqué mon esprit, qui avaient cet esprit, ces bases... Parce que t'es rock, tout oui, simplement. Oui, parce t'es rock, que j'ai. C'est pas son univers, je veux dire, pourquoi je me suis toujours posé la question? Parce que j'ai jamais voulu. J'ai toujours voulu, me démarquer de ne pas écouter ce que tout le monde écoutait. Non, tu démarques pas. C'est juste une question. Mais maintenant, c'est. Pardon. C'est une question de goût. C'est ouais, juste c'est que ça. Ça. Oui, c'est et je viens de goût. Par contre, ma culture, je m'y retrouve très bien. Je m'éclate, je découvre encore plein de trucs. Mais dans quoi? C'est pas. Pour certains, j'ai peut-être une image de ringard, mais encore aujourd'hui, je découvre des choses. Moi, je te trompe pas pour une autre vie, tu aurais aimé habiter aux États-Unis. Ah oui. Oui, mais c'est comme moi, dans une autre vie, j'aurais aimé habiter au Japon. Ah oui. Ah ouais, moi aussi. C'est qu'une culture. Non, mais pas pour les. Non, ah, oui, bah non, mais moi attends, chérie, tu permets. C'est pour les sushis, alors arrête. Chérie, tu permets, je te ferai l'amour après. J'étais en train de parler. Après, tu parleras de manga. Moi, c'est la culture. C'est une question de, je crois... japonaise. Voilà, toi, ça... Ah oui, oui. Ouais. Ah ouais, je connais pas du c'est tout. Un art de vivre. Un art de vivre. Oui, c'est vraiment, ça. Hein. C'est parce que toi, t'as... Vraiment. T'as, ah, moi, je crois, mais je connais pas du tout l'art de vivre. Pauvre petit con qui a jamais été là-bas. C'est... À chaque fois que j'aurais aimé vivre là-bas pour leur culture. Il y a plein de trucs. Moi, il y a plein de trucs que je connais pas. Alors... quelque part, c'est pour ça qu'il y a des fois, j'essaie de faire quand même des, pour répondre aussi à ta question, par rapport à mes chroniques, avant tout, bien entendu, des groupes qui ont marqué les années 80, même si ben, ce sont des groupes qui ont démarré 10 ans auparavant, dans les années 70. Ce que j'essaie aussi, c'est surtout de, effectivement, au travers de 2-3 morceaux, vous dites, ah oui, ok, c'est ça. C'est combien de fois j'ai déjà passé. Allez, mais il est vrai que parfois. Franchement, sur toutes tes chroniques, tu nous as souvent collé en disant, tel nom de groupe, c'est qui ? Je connais pas. Et tu passes ce titre. Oui, sait. Voilà. Bah oui. Ah ouais. Bah carrément. Ouais, bah bien sûr. Eh ouais, on connaît. Bah oui. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Les années 80, ça restera pour moi. Si j'avais un souhait, un vœu à pouvoir exaucer, de pouvoir retourner dans les années 80, parce que je vais pas me plaindre. Hein, j'ai bien vécu dans les années 80. J'ai rencontré des gens intéressants, même au niveau des stars. Bien sûr. Mais c'est encore pouvoir faire plus que... Allez, tous ces gens que j'ai pas de vu... Tu vas nous parler de Brian, évidemment. De Brian. Non, il est hétéro. Brian. Brian in the kitchen. Ah non, ouais, c'est non, Brian in the kitchen in the chicken. Non, non, mais... Cette heure, tu n'as jamais rencontré. Bah oui. Bah attends, sois pas vexant. Bah c'est de lui dont je sois pas vexant, Flip 4 est hétéro, merde. Arrête. Non, non, mais voilà. T'as rencontré par Ryan ? Bah oui, mais là, à cette époque-là, t'étais trop jeune pour te. J'étais. Ouais, voilà. Il y avait le fait que j'avais pas de taf. Donc, il y avait le problème. Bah, il y avait la thune. Le problème de la thune qui se posait. Pas de voiture, toujours dépendant. Je pense que je vais pas me plaindre. J'estime que ma vie à partir de 80 était. Fin 80 était très riche. Ah, j'ai peur à partir de 80 ans. Et. Aujourd'hui, ben, je vais peut-être encore faire tout ce que j'ai pas pu faire avant. Mais c'est vrai que j'aimerais revivre les années 80 parce que le recul du temps, je trouve que ça a été d'une richesse au niveau des groupes. Des groupes qui n'existent plus aussi maintenant. Flip 4, Flip 4. Oui, mais on en revient. À ce moment-là, on en revient. Parce qu'on les années 80, on en revient. Oui, oui. T'as plein de titres aujourd'hui qui ressortent et on se dit, mais c'est vieux, mais ça date de Mathusalem. J'adore. Et je reprendrai toujours l'exemple de ma sœur, hein, que j'adore énormément, qui me dit, elle chante Like a Prayer, et un jour elle me dit, Madhouse avait fait Like a Prayer. Donc, ah, version, tu m'en parles souvent, ça. Ouais. Et elle me dit, Madonna a repris un titre de Madhouse. Ah oui, ça oui, non, mais c'est très courant. Non, c'est l'inverse. Il n'y a que François qui a repris un truc de Pokora. Bah oui. Ris pas. Ouais, mais si, je ris pas, je l'ai entendu. Récemment, il y a trois jours. Je serais pas étonné. Ah, c'était là, mais il chante un truc de. C'est pas bien parce qu'il chante un truc de Pokora. Non, ça, c'est Claude François, ouais, c'est l'original. Ah ouais, carrément. Mais regarde, on parlait tout à l'heure de l'époque, notamment de la New Wave. C'est comme quand on parle de Tainted Love. Les gens pensent toujours. Alors que t'as envie de dire, attends, c'est 64, quoi. Oui. Eh ben, oui. La version qu'on entend aujourd'hui, c'est la version dance. Je vous ai fait écouter, j'ai fait l'expérience avec Léna, vous vous rappelez ? Tubel Run, la vraie version, tu l'entends, tu dis, mais c'est pas possible de balancer là-dessus. Je suis certain que c'était une époque, c'est que nous, on dit ça, dans 20 ans, je crois qu'il y a des titres formidables, il y a des Einstein de la musique, ouais. C'est comme quand t'entends da, c'est tout con, ça fédéré, un jour un mec va le mettre pour en techno, mais peut-être avec une nouvelle ère, avec les synthés nouveaux. Ah, évidemment, bien sûr. Et en fait, ça sera peut-être slamé, ça sera peut-être tout ça, et en fait, les gens vont écouter Simon Fache. Ce qu'il en a oui, fait. Mais bien sûr. Mmh. Bah bien sûr. Et en fait, il prend, pour le dire, puisque c'est ma passion. Est-ce que vous voyez ce petit clavier tout petit noir et blanc qui était un Casio Tom ? Et en fait, tout. Et on jouait avec ça à l'époque. Et en fait, c'était ça. Et c'était minimaliste, mais seulement les gens se disaient. À l'époque, on était festif, on se prenait pas la tête. Non, c'est clair. Moi, mes années 80, j'adorais. C'est revenir en années 80 pour avoir 13 ans, rencontrer une super femme d'une trentaine d'années, Onissa. J'en ai pas besoin pour me faire une vieille. J'en ai pas besoin. Je suis resté dans les années 80 et je m'éclate avec les années 80, avec les U2, avec les Simple Minds, avec j'en passais des meilleurs. Les posters. Les posters. Parlons des posters. Alors, je ne sais pas trop parler. Parlons de postérieur. On va quand même demander à Sherlock. Sherlock, dans ta chambre, quand tu étais jeune, tu avais mis des posters. Tu mettais des posters de qui ? Alors, moi, j'ai commencé très tardivement les posters. Ouais. C'est-à-dire que mes parents ne voulaient pas que je mette des trucs au mur. Donc... Ouais, voilà. Donc c'était un peu compliqué. Mm-hmm. Mais non, ouais, moi c'était Michael Jackson. Et ensuite, ah, oui. J'ai eu du Nirvana. Enfin, plus des groupes rock. Ah ouais, on est plus dans les rock, années 90, quoi. Un Nirvana, c'était 89 hein, déjà. Donc, bah, et même les Guns N' Roses, c'était 85 quand ils ont commencé. Ah, hein, ouais, donc, ouais. Vous parlez que la photo d'Axel Rose ou tout le groupe? Non, c'était les posters avec tout le groupe. D'accord. Flipkat? Alors, ben, au niveau des posters, il y en avait. Ouais, c'était. Il y avait, on voyait plus la tapisserie. J'avais un drapeau sudiste. J'avais des. Pour les groupes, ouais, il y avait des posters. Les Stress Cats, ouais, non, ça doit être quelque chose dans ce goût-là. Enfin, bref. Non, bah, vas-y, dis-nous. Ouais, hein, non, bah oui, majoritairement, oui, des oui. posters. Voilà. Puisque tu me le fais dire. Ah non, je te fais pas dire. Ah si, bah, je veux savoir ce que tu avais comme poster. Majoritairement, ouais, des posters des Stray Cats, ouais, que j'avais fait importer. Des vedettes des années 50, Eddie Cochran. J'avais également. Ah, c'est fort ça. Oui. Il y avait aussi poster d'un groupe, justement des années 80. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, Rostatou. Ah non. C'était un groupe de. Papa, quand, ouais, c'était un groupe de. Rostatou, ouais, quand tu vois les gaillards aussi, par contre, c'est un groupe australien. Et à part ça, ben, c'était des posters de Harley, d'American 50s. Oui, quoi. Ah, bah, ton univers, que ouais, j'ai encore. J'ai encore mes Nitro Magazine que j'ai acheté en 80. Wow, avec duquel je aime tous les mois le poster. Ouais. Ah ouais, c'est Canon, ça. Canon, dans ta chambre, t'avais quoi alors? Quand tu rentres dans ma chambre, mon lit était gauche, sur la droite, il y avait. Non, je te parle pas d'aujourd'hui, hein, je te parle de à l'époque. Il y avait un poster, mais j'ai un poster de toi maintenant. Ah, bah, si, avec moi à côté. Je t'ai rayé. Ouais, c'est ça. Je t'ai coupé. Je faisais des arts martiaux, j'avais un poster de Karaté Magazine, qui était un. Non, ah ouais. Je vous le dis parce que c'est toute une époque, le karaté, c'était ouais. Karaté. Ah ouais, mais c'est. Eh ouais, c'est toute l'époque. Bruce Lee, c'est là que les films de Bruce Lee. Ouais, et t'avais mais moi, c'était. Dame, non, plus vieux. Bah, c'est Karaté vieux, Magazine. Oui. Et après, j'avais Balavoine. Voilà. Ah, et Kiss. Cool. Kiss, ouais. Kiss a été mon groupe parce énorme. Que ça, énorme à l'époque. C'était vraiment ouais. Parce que justement j'avais déjà cette âme d'acteur travesti machin parce que j'adore ça et pas travesti en femme, travesti c'est-à-dire traversir. Ah non, c'était travesti dans tout femme. Ficat, personnage, bien, c'était se travestir. Glam, c'était du glam rock. Du glam rock quoi. Ouais. Du glam rock, ah ouais, un peu comme. Encore que les premiers sont comme lourds. Je comprends le terme. Je suis pas glam. Les premiers étaient quand même plus lourds. Et c'est vrai qu'ils sont très vite tombés dans le glam. Les tout premiers Kiss, on les a. Le glam, on connaît. Ouais. Donc le glam rock, c'est. Voilà. Mais les premiers Kiss, c'était quand même assez lourd. AC/DC est beaucoup plus lourd, mais c'est la même. C'est pas la même époque. C'est pas la même époque. Kiss, c'est comme nous si, aujourd'hui. C'est la même époque. Non. Ah si. Ah non, non, non, ah, si. Non, quand ils ont commencé à percuter. Kiss ah, non. Et ah non, AC/DC, c'est ah, non, la même non, époque. Non, ah si. Pas, non, quand ils ont commencé. Ils ont même collaboré. Non. Non, je te parle AC/DC en tant qu'entité. Qui a commencé à exister, c'est comme nous, notre émission aujourd'hui. C'est que Kiss, ils ont dû se battre pour exister entre l'ère du disco. Kiss est arrivé à l'ère du disco. C'était complètement entre mais le chat, le mec lunaire. À vous, Canon, que c'est, quand tu regardes le clip aujourd'hui, c'est ridicule, quoi. Oui, mais... Mais c'était génial, à l'époque. C'était, tu sais, j'adorais, moi, une troupe que tu connais est vraiment très très courte. C'est comme une troupe que tu connais très très bien, auquel nous appartenons, c'est la troupe Évasion Spectacle. Il fallait mettre des ados de 17-18 ans avec des en collant rose, ouais. En train de prendre des airs efféminés, faire de ouais. la danse au Colisée de Roubaix. C'était américain, des années 70, bien fame. Sûr. Alors que nous, on a apporté du fame au Colisée de Roubaix, et il y a un mec qui a un jour vendu sa maison et l'a hypothéqué pour pouvoir créer la c'est troupe vrai. Évasion ah ouais. Spectacle qui existe depuis et 22 ans, à laquelle nous, nous, a... voilà, et nous appartenons. Et je veux dire... Kiss était précurseur. Maintenant, on parle de hard rock, machin. Oui, mais Kiss. Ouais, mais Kiss à l'époque, il y avait pas grand chose. Tu parles Motley Crue, tu parles AC/DC. Ils ont peut-être commencé à exister, mais AC/DC, le groupe AC/DC avec les mecs qui ont fédéré AC/DC avec leur truc, ils n'ont existé que 8-10 ans après. Kiss est devenu glam rock pour faire du commerce. Oui. Oui, oui, et je suis d'accord tout à fait avec ça. Parce que là, tout d'un coup, ils arrivaient sur scène. Tu peux me trouver, Charles, pas tout de suite, hein, mais est-ce que ça me ferait vraiment plaisir. Bien sûr, tu vas le trouver. C'est le premier de Kiss dont je n'ai plus le nom. I was made for loving you, baby. Absolument, c'est ça. Bah oui, absolument. Voilà. J'adore. Donc, dans les années 80, où j'avais 14 ans, c'était Claude François, c'était Dalida, c'était, parce que moi je l'ai connu plus que toi, c'était Champs-Élysées, c'était ça. Et un jour, il y a un groupe, on va dire, voilà les malades mentaux, voilà les trucs qu'on va interdire, voilà des homosexuels, voilà, on les a cassés complètement, et ils ont commencé à exister. Je sais de qui tu vas parler, tu vas parler de Jimmy. Non, mais là, voilà, t'as commencé à voir ça, et j'ai mis un bracelet de force, avec des pointes, on a commencé, après... Non, mais c'est ça, comme ça que c'était fait. Il y a eu Motorhead après, il y a eu AC/DC, il y a eu Motley Crue, il y a eu des mots, tous ces groupes qui ont existé. Et en fait, ça, voilà. Écoute bien, il y a un côté disco. Ouais, il y a le côté lourd, t'avais jamais entendu ça de ta vie. Pour nous, c'était du hard rock pur. Ouais. Les jeunes qui sortaient du disco. Il en est pas, hein, d'ailleurs. Moi, j'avais mon costume pied de poule avec mon père et ma mèche sur le milieu. Et je suis sorti avec les mèches décolorées, avec des trucs, etc. Une grand-mère en train de chier sur un truc en disant fuck the people. C'était les premiers prémices des années 80 où les punks. Sacrée famille, hein, dans la famille quand même. Ah ouais. J'ai la photo de mon père qui était sur les chiottes d'à côté. Papa, si tu m'entends, mais... je te déteste. Non, c'est pas vrai. Mais Kiss, j'adore Kiss. Mais à chaque fois, je regarde le clip, je dis mais il est kitsch quoi. Je préfère l'écouter, je peux pas regarder. Je regarde, je dis non, faut arrêter quoi. Mais tu sais, les attitudes, quand vous voyez tous le mec. Qui se penche sur sa guitare et tout, c'est les premières attitudes. Je regardais un truc la dernière fois sur comment s'appelle l'Eurovision. Ouais. Un jour, il y a une femme, ils chantaient tous. Pas. Elle a ouvert son pull, elle a laissé tomber son pull par terre. Rassurez-vous, elle n'était pas nue, loin de là. Et ça a fait un truc, un tollé. Elle a gagné parce qu'elle a osé se dénuder les épaules. Kiss, c'était un ovni. Ah oui, oui. On était tous en train d'écouter du Kiss avec nos. Mais c'était pas les premiers, hein. Gary Glitter a été un premier. Ça, c'est votre culture. C'est votre culture. Gary Glitter. Bah, c'est pas notre culture, hein. Non, c'est pas avec ça. C'est votre culture. Et moi, par contre, ça, je connais absolument pas parce que je peux vous assurer. Non, ça n'a pas. Écoute, Gary Glitter, tu vas comprendre. Mais à l'époque, ça n'a pas imprimé dans les collèges et tout ça. Kiss, avec les mecs avec sa langue, le chat, les mecs noirs et tout ça. On avait nos sacs US américains avec les trucs. Marseille, Kiss. Kiss. Et Suck Me aussi. Mais ça, c'était moi. Mais j'avais 13 ans. J'ai dû attendre. Bon, allez, on va faire un tour de table parce que le temps passe très vite. Attends, Sherlock, tu vas passer aussi, hein, tu as droit. Hein. De quoi? Ah bah t'as les posters, mais j'en ai déjà parlé. Ouais, mais attends, mais tu vas attendre un peu parce que moi je voudrais savoir Onissa. Mais il n'y a aucun problème, vas-y. Onissa. Sherlock, je voudrais savoir Onissa. Alors, t'avais quoi dans ta chambre comme poster? Rien. Canon. Oh, arrête des conneries. Non, je te promets, j'avais pas de poster. Si t'avais une photo de moi à 3 ans, il était marqué Believe It. À côté d'X-Files. J'avais une fan. I believe it. Non, mais moi j'aimais bien Balavoine, mais pas. Et tu n'avais pas de poster? Non. Alors moi je vous explique, après on fait une coupure musicale. Ouais, ouais, pas problème. Dans ma chambre, j'avais un poster de 4 mètres sur 3 de Rambo. Il faisait toute ma chambre. J'avais récupéré le 4x3 que j'avais réussi à récupérer et je l'avais collé. Alors ma mère était contente. Hein. 4x3. Rambo 1. First Blood. Et il faisait toute ma chambre. Toute ma chambre, et après, je crois qu'il y a eu pas mal de groupes comme AC/DC, ça j'aimais beaucoup, où je mettais les affiches d'AC/DC, et puis Samantha Fox. Allez, on va faire une coupure musicale. Samantha Fox. Par contre, avec l'âge, je préfère écouter l'album d'AC/DC. Ah ouais, moi aussi, évidemment. Ouais, mais à cet âge-là, je préfère regarder Samantha Fox. On se fait une coupure musicale parce que après, tu dois bosser, hein, mon ami. Oui, bien sûr. Il serait temps. Hein. Alors, on va repartir aussi avec un monument qui a chanté justement. Alors, si vous avez regardé le concert en hommage aux victimes de Manchester. Non, j'ai pas vu. Qui est passé justement. Donc le concert qui est passé sur TMC il y a quelques jours. Il y a déjà eu un concert. Ouais, il y a eu un concert. Ouais, si, mais j'ai pas. Oui, bien sûr, avec Wonder, avec. Ouais, moi j'ai pas vu. Donc il y a eu Stevie Wonder. On salue les victimes évidemment. Il y a Stevie Wonder qui a chanté. Ah oui. Donc il était pas sur place, mais il y a certains artistes depuis les États-Unis qui ont envoyé des vidéos. Et notamment il y a U2 qui avait enregistré un message. Il y a Stevie Wonder qui a chanté un petit truc, qui avait envoyé aussi le message. Ouais, donc là, on va s'écouter Stevie Wonder avec Part-Time Lover. Ah ouais. Et ça, ensuite... Ça changera de... I just want... Oui, bah oui. Par contre, c'est vrai, moi je l'ai suivi, ils ont enregistré, c'est louable, mais en différé. Moi, je salue la gamine par innocence, par inconscience, par ses agents ou par volonté, qui a entendu sauter les bombes sur scène pendant que son public se faisait décimer et qui remonte sur scène à son âge. Ariana Grande, pardon. Elle a eu dur. Par ses agents, par ses trucs commerciaux ou par réalité. En attendant, elle était là. Et je trouve que cette gamine, dans tous les cas, je ne sais pas si elle l'a fait consciemment, mais dans une quinzaine d'années, ça sera une militante. Parce que c'est impossible qu'elle... Elle était sur scène, j'imagine, un jour c'est sur scène. C'est moche ce que je vais vous dire, mais je n'étais pas au courant, en fait. Je l'ai, j'ai appris avant d'arriver. Ouais. Donc, on était vraiment, on était vraiment sur... Ouais, si, si, je crois qu'ici, beaucoup de gens ont fait de la scène, à notre petit niveau. J'imagine un jour, moi, être en train de chanter, et que... je te parle même d'un con qui casse une bouteille et qui tue quelqu'un, donc sans partir dans... J'imagine pas comment je serais marqué de se dire bah quelque part t'es un peu la gamine est remontée sur scène, elle a fait son show, un petit peu trop de maquillage jaune je trouve à mon goût. Oui bon. Franchement je trouve que le mec si, parce qu'elle a annulé elle conseils, voulait hein. qu'elle fasse asiatique, c'est une horreur, je sais pas qui l'a maquillée. Mais les autres c'est en différé donc c'est pour ça que ça je me dit moi, rien. J'ai entendu parler du je pense que c'est beau qu'ils ont fait, vous savez que je suis le gueulard, c'est beau ce qu'ils ont fait mais moi tous les mecs qui ont fait en différé, c'est très très alors je crois pas qu'ils surfent sur la vague. Mais tous ces gens qui, ah ouais, you're also all people, machin, etc., viens au concert, ils ont les moyens. Viens au concert, viens militer, viens revendiquer. Viens revendiquer. C'est ça ton message. Quoi, 246 jours ? Ouais. 200, non, c'est le nombre de jours que je suis avec ma femme contre toute attente. Against us old. Ah, j'ai voilà, pas compris. C'est pour niquer tous ceux qui ont voulu foutre notre couple. J'en ai parlé à Onissa, je dis, mais qu'est-ce que c'est non, ce message ? C'est pour enculer tous ceux qui m'écoutent et qui ont voulu foutre notre couple en l'air et pour dire que ça fait 8 mois maintenant. Mais t'inquiète, il y a personne qui va t'enculer. Merde, c'est ça. C'est la tour de Oh, on est de retour en émission de merde. J'ai pas compris le message. Ah, bah félicitations. Quoi pour Sylvie Wonder ? Non. Alors, on parlait d'Ariane. Pour toi avec ta femme, pour toi avec Canonette. Ouais, et donc ensuite, on reviendra avec Tear for Fears, avec Shout, justement, parce que t'en parlais tout à l'heure, Canon. Et on embraye, évidemment, avec la chronique que j'adore. Ciné Rétro 80. Voilà, tu vas te coller. Hein. Je suis tombé amoureuse. 81. Voilà, et Canon est tombé amoureuse. Je suis tombé amoureux sur Shout à Roubaix, ouais. D'une femme, et je suis tombé amoureux de la chanson après. La femme de jour. D'accord. Voilà. Ah bon, on s'écoute ça tout de suite. Et la chanson toujours. Et je la chante bientôt. Bye. RQC 95 FM, avec l'équipe de Choc, bien sûr. On vient de s'écouter Tearful Fears, Shout. Eh ouais. Yeah. C'est pas Shout, c'est Shout. Non, Shout, c'est pour toi. Moi, je préfère à Shout. Alors, hey, attends, on va faire un tour de table quand même. On est avec Flip 4, évidemment. Oui, bonsoir. Oh, et bonjour. T'as vu, t'as la pêche, waouh. Alors, ça, hey, attends, c'est enregistré, ça, ou pas? On verra Dieu de crème. Je vais pouvoir mettre. Non, parce que tout à l'heure, t'avais l'air déçu. Parce que j'ai parlé anglais, ouais. Enfin, j'ai essayé. Avec Canon, ouais, évidemment. Absolument. Est-ce que vous savez ce que Tear for Fears veut dire? Bah oui, des larmes pour la crainte. Pour les craintes. Ah, tu le voyais comme ça, mais on se posait la question. Ah, c'est quoi alors? C'est quoi là? Non, non, c'est ça, non, non, mais t'as raison. Tout autour de moi, des visages familiers, des places épuisées, des visages épuisés, la langue nulle part, etc., etc. Et on se posait la question de savoir s'ils tournaient encore. Et je pense pas. Je crois que les frères se sont séparés. Et c'est deux frères. Donc je sais pas, à voir tiens sur internet, ouais. Mettre Capello, vous savez combien de fois le 45 tours? Eh b, 117 millions de ventes. Ah bah je suis étonné. 117 ouais, millions de ventes de 45 tours. Ouais mais attends, ouais, mais à l'époque il y avait moins de monde. C'était ça, ouais. Pardon? Il y avait moins de monde. Ouais, mais justement. Ouais. Justement c'est encore plus. Mais, mais d'un autre côté à l'époque t'étais obligé de l'acheter pour l'écouter. C'est vrai. À part à la radio, c'est quand t'essayais de capter, c'est vrai aussi, c'est ça qui a tout changé. Mais ça nous faisait plaisir d'acheter un vinyle. Et je suis tout à fait d'accord. Et je suis allé, attention, à la Fnac, les vinyles, mais il y a des rangées de vinyles, ils vendent du vinyle. Oui, ah oui, oui, mais ça revient, ça, ça revient. Revient. Ouais, le problème, c'est que le lecteur vinyle, ça revient pas à la mode, c'est ça le truc. Donc si, t'as envie d'acheter revient, un vinyle. Alors, le lecteur vinyle revient plus pour tout ce qui est DJ. Ouais, c'est ouais, les DJ ouais, en fait après, qui reprennent tout ça. Ouais, mais les tarifs mais, sont ouais, énormes. Ils sont, hein. Ils sont assez vinyle, chers. Non, mais le prix du vinyle aussi, il est énorme. Hein, c'est genre 22 euros pour un vinyle, quoi. Mm-hmm. Oui, mais, bah oui, mais t'as moins de presse, hein. T'as moins de choses à presser. Moi, tu vas me trouver, alors c'est du Canon très consensuel et c'est très misogyne, mais je le suis pas. C'est comme une femme que tu verrais nue alors que tu préfères les feuillets. Je crois que c'est pareil qu'on achetait un 45 tours. Tu t'achetais ton truc, tu ramenais ton 45 tours, tu le retirais. Vous vous souvenez de la pochette avec vous souvenez le truc bleu et rouge pour retirer les poussières, oui. Et tu mettais les craquements et t'entendais le disque et ça commençait shout shout. Et là tu te prenais un pied parce que t'avais mis de l'argent pour écouter un titre. Et en fait maintenant tu tapes sur Google téléchargement illégal pour avoir le dernier truc pas encore sorti de machin. On et dit tu pas le mot illégal ici. Mais si, parce que c'est illégal. Oui, mais c'est tout, tout le monde sait qu'on peut le faire. Parce que et les gens, et parce que personne, c'est vrai, hein, c'est dommage, personne ne le fait sauf moi et tout le monde. Faut arrêter d'être aussi. Et quand tu le fais, regarde Sherlock, tout ce qu'il balance. Sur... attends, je vais refaire la photo attends, de déclare, Sherlock qui vient. Hein. Sherlock le déclare. Ah bien le sûr, déclare, à la SACEM. Hein, tous les titres sont déclarés à la SABAM. Bien sûr, tout à fait. Donc voilà, donc téléchargés ou pas, ils sont déclarés. Donc tous les films des années 80 aussi. On en reparlera. Eh ben tiens, justement, signé Rétro 80. Ah, merci, allez, on y va, merci allez. De vous ah, c'est parti. Ah, je me disais, il va pas. Nom de Zeus. Et de Arès aussi. Il faudrait faire un contest de nom de Zeus. Je voudrais bien vous entendre tous, ouais, chacun le vrai. Faire. Ah, bon, on va le faire, ok. Oui, Flip, quand tu commences. Non, non, j'ai pensé à. De quoi donc? Celui qui fait le mieux. Fais Doc Brown. Si, si, vas-y. Je le fais toutes les semaines. Là, j'aimerais bien vous entendre au moins une fois chacun le dire. À notre façon. Ah, oui, bah, bien sûr. À notre façon. Si, si, tu vas. Je vais m'aligner. Bon, allez, vas-y, Onisa. Commence. Nom de Zeus. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, quand même. En plus, j'ai pensé à toi, c'est... Nom de salope. Oh, non. Le salope était peut-être un peu en trop. Non, mais c'est pour Sherlock, regarde l'horloge en se disant, t'as pas le droit de dire ça, parce que si le président nous écoute, il n'y a pas 10 heures. Tu fais 4. Nom de Zeus. Eh, hey, mais il est pas mal, il est pas mal. Ah bah non, à toi. Pas, si, si, vas-y, vas-y. Non, non, non. Si, si, si, si. Allez, par Jupiter. Nom de Zeus. Ouais, t'as raison. C'est Sherlock, à toi. Ouais. Non, le jeu c'est le meilleur, ouais, c'est le seul unique. Et Flip 4, il s'approche bien quand même. Franchement, je suis étonné. Franchement, Flip 4, Flip 4. Sherlock, le seul à boire du coca et de bourré. C'est les bulles. Désolé. C'est les bulles. Oui, alors bon, ce soir, je vais essayer de vous faire deviner donc un film des années 80 que j'ai regardé cette semaine, ouais. Que je n'avais jamais vu, qui est de 1981. Il est sorti le 23 septembre 1981. Un mercredi. Je pense, oui. J'ai pas vérifié, c'est important pour moi. Et sois étonné parce que des fois, je suis pas sûr que ça sort le mercredi. Hein. Oui. À l'époque, ça sortait peut-être le jeudi. La semaine passée, le film de la semaine non, passée. Non, non, je sais que dans les années 80, mardi, ça. C'est toujours ok. C'est toi qui as cherché. Ouais. De mémoire. Exactement. Alors, donc, je peux vous dire que le film a eu une nomination au festival du film de Berlin. Un ours. Donc il a eu un ours. Il a eu une nomination. Il n'a pas été. Ah, il a, oui, il a pas eu l'ours. D'accord, ok. Et le film a fait 180 985 entrées au box-office français. Oh, pas terrible. Hein. Non, c'est pas terrible. C'est un film allemand alors ? Pas du tout. Ah, ok. Non, Berlin, mais c'est. Pourquoi un film allemand ? C'est en Russie, l'ours de Berlin. Ouais, bah, vachement. Hein? Berlin, c'est vachement en Russie. Ah, bah oui, ouais, ouais. C'est vachement en Russie, Berlin. Excuse-moi, mais. Berlin, c'est. Ouais, des cours de géographie, mais. Dis ta micro dans ton coqueur. Sérieux ? Oui, Berlin, à côté de Varsovie. Berlin, c'était une enclave en Allemagne de l'Est. Oh, non, désolé, ouais, bien sûr, désolé, bah, désolé. Évidemment, évidemment. Oh là là. Bah, Berlin, tu fais 15 km, t'es à Kiev. Hein. C'est ça, à tu, fais 40, tu fais 40 000, t'es à Berlin. À peu près, ouais. Alors, donc, que puis-je vous dire ? Oui, ben, je vais commencer par vous donner des noms d'acteurs, ouais, et d'actrices. Avec Amidou. Mimidou. Carole Laure. Ah, ah, française. De quoi française ? Bah oui, elle est française, Carole Laure. Vas-y. Bah oui, elle est française, Carole Laure. Jean-François Stévenin. Ouais. Film policier. Est-ce que Catherine Deneuve joue dedans ? Non. D'accord. C'est pas un film policier ? C'est pas un film policier. D'accord. Oh merde. Et années 80 ? Ouais. Avec Stévenin ? Ouais. Il était déjà là, lui. Eh ouais. Bah, you. Il y avait deux ans. Après, Edson Arantes de Nascimento. Ah oui ! Ah bah oui. Ah, ça filme espagnol. Arthur Brosse. Mais je me doutais déjà que tu l'as retrouvé. Ah, le cousin de Mario. C'est pour ça que j'ai commencé par eux. Le cousin de Mario. Hein? Bros. Ouais. Non, c'est pas ça. Il y en a une qui suit. C'est bien. Gary Waldorn. Et je vais vous en donner un qui est plus connu. Max von Sydow. Ah oui, l'exorciste, évidemment. Oui, il a joué notamment dans l'exorciste. Ah oui, exact. Ah, ouais, alors... Exact. Alors, je vais vous passer la première musique. C'est l'intro du film. C'est la musique d'intro. Écoutez bien. Pas du tout. Ah, ça, ça te fait penser à une musique fantastique. D'accord. Bon. Non, franchement, ça me fait penser à un film de western. Mais, ouais. Ouais, moi aussi, c'est ça. Plutôt western. Mais, je me dis western. Eh bien, ouais. C'est pas du tout ça. Ouais, je me doute, je te connais. Hein. Ouais, bah oui. Bah ouais. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? C'est un film de John Huston. Il a fait d'autres films ? De quoi, John Huston ? Ouais. Sûrement, oui. Ouais. D'accord. Bon, je vais pas vous donner celui qui a fait la musique parce que arrive à trouver tout de suite. Ah oui, Ron Howard. Non. Ah bah non, il fait bah pas non, de Ron Howard, il fait pas James de musique. James Horner. Non, mais non, je vais pas te. Mais ah, même John si Williams. Non. Ah. Bon. Ennio Morricone. Je vais te passer. Enfin, et je est-ce vais... que ça a un rapport avec Ennio Morricone ? Pas du tout. D'accord. Donc voilà. Je vais vous passer un extrait du film. Écoutez bien. Les nations réglaient leurs différends sur un terrain de football. Ne serait-ce pas là un progrès ? Ça vous dirait de disputer un match contre une équipe de la Wehrmacht ? Ça marquerait quoi ? La fin de nos mots ? Malheureusement, non. Ça regonflerait le moral. Le vôtre ou le nôtre ? Le vôtre comme le nôtre. L'internement n'est palpitant pour personne. Quel genre d'équipe ? Je n'ai pas arrêté de décision, ce n'est qu'un projet. Que ça ne soit pas un ordre, on ne nous forcera pas. Non, ça sera une joute. Non, non, ça fera un fiasco total. Regardez ces types, ils sont bons à rien. Non, mais regardez leurs fringues, regardez-moi leurs croquenots. C'est pas du sport, c'est une charge d'éléphant. Ça joue au football ? Ils tiennent tout juste. Je peux donner un indice ou pas ? Vas-y. Si je peux les. Oui, bah oui, c'est. Bah ouais, alors, évidemment. Effectivement, Edson Arantes do Nascimento, c'est Pelé. Comment t'as pu trouver. Mais tu nous as sorti un film. Mais alors, franchement, mais laisse tomber, quoi. Hey, énorme. Énorme, alors. Non, énorme, non, c'était un navet. C'est un vrai navet, mais. Énorme, alors peut-être avec... énorme pour toi, mais effectivement, il n'y a fait énorme. Que 180 000 entrées. Je l'ai en plus, ce film. Et, oui, bah moi, je l'ai vu aussi, maintenant. Bon, il est beaucoup de show, là, on peut suivre. Non, non, non, peu, mais pour la petite indice, il y a un acteur. Pour le petit. Le petit indice. Le petit indice. Il y a un acteur dedans qui est évidemment. Alors. Extrêmement connu. Et, oui. Par contre, il ne joue pas forcément un rôle qui est très. On ne parle pas forcément de lui, quoi. Excuse-moi. Enfin, alors, c'est le. Tu m'as dit Carole Bouquet ? Non, Carole Laure. Ouais, ah Carole, oui, je suis étonné. Carole Laure a joué dedans. Oui, c'est pour ça que je suis. Carole Laure. Parce que je pensais, pour ça, je disais policier, garde à vue. Ah non, pas non, du non, tout. Non, c'est un film, ah ouais. C'est un film américain, on peut le dire. Oui, hein, c'est un film américain. Et le titre est français. Sur le football. Oui. Ou un mec qui a pris trop de soleil. Non, sur le football. Bah, je vais vous laisser parce que moi j'ai trouvé, je vais aller au bar. Non, c'est pas ça. Non, parce que Pelé, c'est soit un mec qui joue au football, soit qui a pris trop de soleil. Non. Effectivement, c'est sur le foot. Ce film, il est passé inaperçu. Et moi, je l'ai vu parce que je suis fan de l'acteur principal. Et je sais pourquoi il est passé inaperçu. Parce que tu en as pensé quoi, toi? Mais tais-toi 5 minutes, nous on l'a pas trouvé. Il est bien, mais sans plus. Il aurait pu être mieux. Ouais, voilà, y a rien de mieux fait. T'as tourné ton premier film en 80? Non, mais l'acteur principal est un de mes fans. J'adore regarder tous ses films. C'est un de tes fans? Bah ouais. Ah ouais, l'acteur principal est un fan de mes fans. Non, une de mes idoles. Oh, arrête. Qu'est-ce que. Quand je vais reprendre cette émission, je vais me faire du bien. Quel con. Ouais, mais attendez, je me mets au défi. Mais j'aimerais le recevoir un jour. Vous trouvez le nom du film, je vous paye un verre à tous. Allez. Messieurs, mesdames, okay, vous apprenez. Sauf Sherlock. Oh merde. Mesdames, messieurs, vous venez d'apprendre que De Niro avait un poster d'Harry dans sa chambre. Il était assez fan. Mais franchement, Canon, Onissa. Oui, moi je l'ai. Vous trouvez le titre, je vous paye le verre. Moi je l'ai. Vas-y. Ah non, bah attends, vas-y, continue ta chronique. Vas-y. Alors, bon, je vais vous passer un troisième extrait. Là, c'est encore un extrait de dialogue. Écoutez bien. La réussite de l'évasion dépend du fait que deux débauches qui nous gardent ne patrouillent pas pendant qu'on prend les douches. Il y en a au moins un qui devrait nous surveiller et faire les 100 pas devant le baraquement pendant que nous, on est sous les douches. Mais au contraire, eux, ils entrent, ils se planquent près de la porte et ils fument une clope en douce. Mais je crois que si l'un de nous se faisait la malle, c'est pas eux qui le verraient. Vous croyez? Ouais, ils en seraient pas sûrs, ils diraient on a du mal compté et ils attendraient l'appel. Alors si vous répondiez présent à ma place à l'appel suivant, ce serait gagné. Une petite minute, vous allez trop vite pour moi. Vous sortiriez comment des douches? La salle d'eau possède une ventilation qui donne sur un bloc sanitaire. Je peux y arriver si j'ai un truc pour crocheter la. Tout ça pour vous retrouver là d'où vous êtes parti? J'escaladerai le toit et de là je me faufilerai sous les barbelés et je tomberai chez les Allemands. Tout nu. Et on a reconnu Darbois, évidemment. Oui. Gérard Darbois qui fait la voix de l'acteur que vous venez d'entendre. Alors, c'est Jean-Michel Le Potager, non? Ouais, Sylvester Stallone. Oui, bien, ouais. Sylvester Stallone. Il manque un acteur principal. Et il y en avait un autre, sérieux? Ouais, il y a un autre acteur principal qui est anglais, lui, enfin, je pense. En tout cas, il joue souvent le rôle d'un anglais s'il n'est pas anglais. Il n'a pas joué dans Un fauteuil pour deux, c'est pas lui, hein? Non, je confonds. Il a joué dans Batman, par contre. Il faisait le majordome de Batman à un moment. Ah, d'accord. Ah, oui, d'accord. Ok, bah c'est. Ouais, je vois qui. Ok. Alors. C'est un film sur les jardiniers parce qu'il n'arrête pas oui, de dire ça. Que il s'appelle. Ouais, j'ai pas envie de payer mon verre. Il a dit plusieurs fois, mais. Ouais. C'est Nicolas le jardinier le titre. Du moment que alors, j'appelle. Je vais vous passer un moment fort du film. Oui. Qui se passe vers la fin du film. Écoutez. Je fais le bruitage. Penalty en faveur des Allemands. Quel dommage, on était réduit. Il a glissé, c'est pas un penalty enfin. Et vous l'avez vu, il a glissé. Et non, c'est une faute. Vraiment, on ne peut pas s'en coucher. Alors, et il chante la Marseillaise. Oui, là, il chante la Marseillaise. Bah, comment ça se fait? Parce que le match de foot que l'on entend se passe en France. Ouais, mais il joue contre la France. Non, pas du tout. Il ne joue pas contre la France. Ils sont français dans l'équipe. En France. Non, ils sont pas français. Il y a des Français. Ah, il y a, il y a un Argentin, il y a un Brésilien, il y a. Enfin, comme dans l'équipe de France. Quoi, mais, ouais, voilà. Mais bon, ils arrêtent les deux yeux de Pepecho là. J'étais en train de se dire, j'adore la Marseillaise, etc. Oh, mais je te jure, si un jour t'as l'orgueil, je te jure la Marseillaise. C'est marrant que tu me sortes ce film-là parce que j'y ai pensé il n'y a pas très longtemps en me disant j'aimerais bien le revoir et en me disant bah non, il est tellement nul que j'ai pas envie de le revoir quoi. Mais je l'ai chez moi. Moi je l'ai vu là de ce fait-là. Bah t'as du courage. Harry, le seul mec qui a encore un JVC. 8 têtes. Alors, je vais vous passer la dernière musique du film. Qui est donc de Bill Conti. Ah bah oui. Voilà. Bah pourquoi j'ai pas deviné, évidemment. Ah ouais, mais elle est pas belle. La musique non, pas top. Non, pas terrible. Il en a fait des beaucoup mieux. C'est comme le film, quoi. Donc l'autre acteur principal, c'est Michael Caine. Ah ouais. Ah oui. Eh oui, Michael Caine. Ouais. Absolument. Et je vais vous expliquer. Un des premiers épisodes de Batman, parce qu'après il est un peu mort, je crois. Il jouait le rôle d'Albert, en fait. Le majordome. Le majordome. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Alors je vais vous passer donc la musique et je vais vous donner le pitch du film. Donc pendant la Seconde Guerre mondiale, au cours de l'été 1943, dans le camp de Gensdorf, les prisonniers tuent le temps en jouant au football. Le commandant du camp, un ancien joueur international allemand, souhaite opposer l'équipe des prisonniers entraînée par le capitaine John Colby, qui est joué par Michael Caine, à une sélection de soldats allemands. Tout d'abord, Colby refuse, mais peu à peu accepte l'idée. Il y met toutefois deux conditions, que ses joueurs jouissent d'un traitement de faveur et que soient réunis dans l'équipe les meilleurs joueurs de tous les camps de prisonniers. Le match doit avoir lieu à Colombes, en France. Et bientôt, un étonnant projet d'évasion se dessine autour du capitaine Robert Hatch, un Américain, qui est joué par Sylvester Stallone, qu'il faudra initier au ballon rond et qui deviendra le gardien de l'équipe. C'est vrai. Voilà. Voilà le pitch de ce film. Merci. Donc, qui est donc je peux donner le titre? Ah bah, on va voir si quelqu'un autour de la table a donné le titre, parce que sinon je dois payer une tournée. Je pensais que j'ai discuté avec la question. Je reviens pas sur le titre. Alors peut-être en anglais si jamais tu connais. Mais c'est pas du tout à mon avis le film du tout, parce que là tu viens de parler d'évasion, donc je pensais que j'étais sur le bon film. C'est un film dans lequel jouait Pelé. Oui, absolument. Il joue dedans. Ah, mais tu me parles tout bas. Pelé de son vrai nom, Edson Arantes de Nascimento. Il parle dans son micro, c'était un podcast. Dans les vestiaires pendant que les autres jouent. Alors non, il creuse pas une piscine. Il y a des gens en fait. Non, il creuse pas une piscine, il creuse dans une piscine. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Je me suis mal expliqué. Alors le titre. Donc voilà. Mais non, je reviens plus sur le titre. Je vais gagner, Canon. J'ai vu le film. Je croyais que c'était Sockers. Non, c'est pas ça. Ça peut être ça en anglais. Je sais pas. Non, c'est pas ça. C'est le titre en français de toute façon. Moi, je suis nul. C'est un titre français. Oui, c'est un titre français. C'est pas Sockers, non. Parce qu'avec Pelé, Stallone. Non, c'est pas ça. Mais sur piscine, effectivement. Bon, allez, vas-y, Harry. À nous la victoire. Oui, c'est ça. Évidemment. Voilà. À nous la victoire. Alors, en anglais. Là, Alors, donc, en anglais, il y a eu deux titres. Il y a eu Victory ou Escape to Victory. Et il faut le voir. Saloon. Il a vachement vieilli. Bon, Saloon, il était vachement jeune. Après les talents italiens. Et je crois que c'est peut-être. C'est pas très loin après, derrière. Ouais, les talents italiens, mais je te le dis. Non, j'ai vu le film. Je la joue pas, hein. Je vois le film. Alors, je croyais que c'était. Rocky l'a fait juste après. Onissa, tu connais. Il a fait Rocky, mais avant il a fait Rocco dans l'étalon italien. Tu le savais ou pas? Non, il y a pas. Non, Stallone. Il a fait l'étalon italien. C'était érotique. Jean-Rocca. Par contre, je te jure que c'est vrai. Je suis fan de Stallone. Donc du coup, j'ai regardé tous ses films. Bon, les derniers, j'ai arrêté parce que j'en ai eu un peu marre et un peu vieux. Et j'ai regardé les talons italiens. Inexpendable, t'as pas aimé? Ah, moi j'ai bien aimé. Mais après, je l'ai trouvé. Ouais, c'est de la comédie, quoi. C'est de la Ouais, et puis vieilli. Mais j'ai quand même regardé les talons italiens. Je me suis dit, ok, je vais le regarder quand même une fois. Ouais, quel cul, hein. Je me suis fait chier. Hein. Ah, bah oui, non, mais c'est pas fait pour. Avec son long manteau de non, disons, mais sérieux, enfin, non, c'est pas fait pour regarder. Non, il est pas terrible. Sous la douche, ouais, ouais. Une cool poc par un trou. Donc il faut savoir que le scénario original était un drame sérieux basé sur l'histoire vraie d'un groupe de prisonniers de guerre, donc qu'on appelait les POWs, Prisoner of Wars, alliés, donc affrontant les Allemands lors d'un match de foot. Donc c'était une histoire vraie. Hein. L'accord était que si les Allemands gagnaient le match, les POWs seraient libérés en Suisse. Si les POWs gagnaient, ils seraient fusillés. Les POWs ont décidé d'aller à la victoire et ont remporté le match et ont donc été exécutés. Ça, c'est pour la vraie histoire. Ouais. Donc là, ensuite, ça a été romancé. Effectivement, ça ne se finit pas de la même manière. Ils ont été exécutés. Ils ont vraiment été exécutés. Ils n'ont pas été dans le film. Ils ont joué jusqu'au point de se dire on gagnera pour se faire exécuter. Exactement. Beau. Ouais. Alors, le film était initialement prévu pour les acteurs Lloyd Bridges et Clint Eastwood. Ah ouais, tiens. L'acteur français Alain Delon a été également approché pour apparaître dans le film. Il faut savoir également que Roger Moore se disait même prêt à accepter le rôle de Michael Caine, donc du capitaine John Colby, si ce dernier le refusait. Maintenant, il peut plus. Ouais, non, forcément. Mais je pense qu'il aurait peut-être été mieux dans ce rôle-là, parce que Caine, il était déjà pas tôt, en fait, quand on le voyait sur le terrain. C'est Max von Sydow qui prenait son rôle dans celui-là. Max von Sydow était le commandant du camp. D'accord. Du camp allemand. Stallone a perdu environ 18 kilos pour ce film. car il ne voulait pas qu'un prisonnier de guerre ressemble à un boxeur olympique et il a estimé qu'il avait besoin de cette réduction de poids pour accomplir les tâches d'un gardien de but de football. Il faut savoir que Stallone commença à s'entraîner pendant le tournage des Faucons de la Nuit. Ah oui, voilà. Il eut une formation du gardien d'Angleterre, donc gagnant de la Coupe du Monde, qui s'appelait Gordon Banks. Il n'accorda que peu d'attention à ses conseils car il pensait que la formation était inutile et s'est jeté témérairement le premier jour de tournage du match. Il a frappé le sol si fort qu'il s'est disloqué une épaule et s'est brisé une côte, ne pouvant pas tourner pendant plusieurs jours. Je m'en fous, j'ai pas mal. Quand il revint, il accorda forcément plus d'attention à ce que Banks disait, mais a continué de subir des blessures mineures durant le tournage, dont une autre côte cassée. Une fois la production terminée, Stallone a commenté que l'expérience avait été plus difficile que de se battre dans les films Rocky. Il s'est d'ailleurs cassé un doigt en essayant d'empêcher Pelé de marquer un but. Donc Rocky, c'était avant alors. Rocky, c'était avant. J'imagine, n'empêche, Stallone qui est dans les buts, on dit oh, je l'arrête, t'as Pelé en face, il bam, t'envoie une bombe. Et il lui a pété un doigt. L'autre, il met ses doigts. C'est ça. Bah oui, parce qu'en plus, on le voit, ils arrêtent les balles à main nue. Hein, donc, Ah oui, pas de problème. Ah ouais. Donc Sylvester Stallone insistait sur le fait que son personnage marque le but gagnant du film, car il estimait qu'il était la plus grande star du film. L'équipe non américaine donc de tournage a finalement pu le convaincre de l'absurdité du gardien qui marquait le but gagnant. Non. Et le tir de pénalty fut spécifiquement écrit pour apaiser son ego. Parce que oui, il arrête un pénalty, c'est le pénalty sauveur en fait. Ouais, alors qu'il ne sait pas jouer quoi. Voilà. Ouais, c'est jusqu'à ça. Et donc pendant le match de foot de fin de film, lorsque le commentateur dit qu'il reste 15 minutes dans le jeu, il reste réellement environ 15 minutes jusqu'à la fin des crédits. Donc les crédits de fin du film. Et j'ai relevé quelques petites erreurs en fait dans le film. À un moment, donc Stallone part en France parce que à la base ils sont donc dans un camp de prisonniers. Stallone arrive à s'échapper. Il part en France pour joindre la résistance. Et donc il arrive donc dans la rue du Jourdain. Et on voit la plaque rue du Jourdain, 18e arrondissement, sauf que j'ai été regarder sur Google Maps, la rue du Jourdain est dans le 20e arrondissement, et n'a jamais été dans le 18e. Non, non, mais parce que les arrondissements de Paris ont changé pendant des années, et par contre, la rue du Jourdain n'a jamais été. Non, c'est dans le 20e. Non, mais c'est génial ça, parce que. Un petit aparté, je regardais Jack Sparrow, le capitaine Sparrow dernièrement. Ouais. Il y a un truc où on voit une bribe. C'est une image où il y a le truc, quand il bouge son truc, on voit Adidas. Ah, possible, ouais. Quand il y a son. Mais c'est terrible. Jack Sparrow où il y a un avion qui passe au-dessus. Mais bon, c'est rigolo. Vas-y. Alors, il faut justement savoir que dans le métro de Paris, donc c'est la scène qui est juste avant celle de la rue Jourdain, Stallone regarde une liste de stations. On peut voir la station Guy Môquet. Et pourtant, le nom de la station des années 40 était Marcadet Balagny. Guy Môquet était un résistant communiste exécuté par les Allemands en 1941. Ouais. La station n'a eu son nom seulement qu'en 1946. Et là, l'action se passe en 1943. Donc, voilà. Et enfin, le micro du commentateur du match est un RCA 77B, modèle qui n'a été introduit qu'après la fin des années 40. Ah, excellent. Donc mais c'est bon, c'est bien. Tu sais qu'il y a des passionnés de ça, il y a des clubs, c'est des associations. Les mecs, ils épluchent les films image par image. Ah oui, oui. Mais c'est ce qui fait que nous, on voit ça rapidement sur Google une minute. Mais si je peux me permettre, je suis fier, je suis content. Ouais, nous quoi. J'ai trouvé à nous la victoire. Vous l'auriez pas trouvé. Justement, pour tout ce qui est les petites erreurs dans les films et tout ça, sur le site Allociné, il y a une émission qui s'appelle Faux Raccord, qui est présentée par Michel et Michel. C'est les deux animateurs. Bon, ils s'appellent pas vraiment comme ça, mais ils sont toujours en train de s'envoyer des vannes. Et il y en a un qui dissèque un petit peu tous les films. Et je vous conseille de regarder ces émissions-là parce que c'est vraiment sympa à voir. Il y en a un, j'étais dessus il y a 4h de ça, c'est Titanic. Il y a des erreurs là-dedans et tu vois toutes les photos. Ah oui, il y a mort, bien sûr. Le mec avec ses bretelles et le plan change, il n'y a plus de bretelles. Le mec est en train de prendre un verre d'eau bleu et en fait, il repose, il est rouge. Mais c'est terrible. Et toi, tu vois rien. Tu vois rien. Elle casse une vitre. Elle revient où est la hache. Quand elle revient, la vitre n'est pas cassée. C'est ou les appliques sur le mur dans le couloir qui reviennent. Comme à un moment, il coule, mais en fait, il ne coule pas. Non, mais il faut savoir, par exemple, que le Titanic... Par contre, c'est ça. Alors, il faut savoir que le Titanic, par exemple, on voyait qu'il y avait 4 cheminées. Et dans le film, on voit les 4 cheminées en train de fumer, sauf qu'il y a une des cheminées qui était une cheminée d'apparat et qui servait uniquement de... peu de KGB, en fait, on rangeait des choses à l'intérieur, c'était juste une cheminée d'apparat. Et elle est en train de fumer. Et dans le film, on voit qu'elle est en train de fumer. Ouais. Donc, ce qui est complètement le impossible. Le réalisateur aussi. Ouais, bah, ouais, alors, est-ce que vous l'avez vu, à nous la victoire, oui. Tu l'as vu ça remonte. Ah bah, tu m'étonnes. Bah, oui. Rappelle-nous non, l'année la un peu. La dernière fois que j'ai pu voir le film, oui. Mais ça remonte à... 80. Oh là là, tu l'as vu, ouais, Canon. J'ai vu une fois. Je me souviens. C'est vrai, retenir le titre, c'est pas évident. Je crois que c'était Soccer. Je crois que c'était Soccer. Onissa. Mais non, ouais, je regarde. Tu te souviens pas de Salone en gardien de but très masse, mais c'est vrai, ouais, ah, si, c'est si, vrai si, que il est tout jeune. Hein. Mais moi, j'ai pas aimé. J'adore Stallone, mais j'ai pas aimé dans. Oh, c'est pas un grand film. Hein. Non, non. Mais ouais, c'est pas Stallone qui a non plus le plus grand rôle hein, dedans. C'est vrai. C'est, non, mais, c'est un peu Michael Caine qui est. Était... Alors, est-ce que c'est avant Rocky? Est-ce que c'est après Rocky? Alors, c'est avant. Les... C'est après Rocky. C'est après Rocky. Ouais, ouais, ouais, je crois. Bah oui. Ils ont joué là-dessus. Bah non, les Faucons de la Nuit. C'est après Rocky. Les Talons Italiens, les Faucons de la Nuit, Rocky. Rambo, Rocky. Ah bah alors ça c'est. Ah non, non non non non non non. Alors, non non non. Pose de trop non mais parce qu'on a le même acteur fétiche. Hein. Parce que moi, je dirais que Rambo c'est après les Faucons de la Nuit. Bah si vous nous écoutez, quelqu'un a l'info, n'hésitez pas. Bon, vous Mike avez la page. Va vous avez la page. Ouais mais Mike, tu sais qu'il a ses problèmes de prostate en ce moment, il se couche tôt et donc on t'embrasse si t'es là. Alors, les Faucons de la Nuit qui était ni plus ni moins qu'un remake de Serpico. Ah ça. C'était ce film-là. Un remake du feuilleton Serpico. Vous avez déjà vu Serpico? Ouais. Et le film. Ils en ont fait un film. Rocky, c'est 76. Hein, donc. Et oui, et oui. Bah alors, à nous la victoire, c'était quand? 81. Bah, donc, c'est après Rocky. C'est après ah, Rocky. Ouais, d'accord, ouais, c'est ouais. Après. Oh, bah, ça n'a pas marché. Hein, bah, quand tu nous dis qu'il y a eu 100 000. Bah, c'est ça, 180 900 ouais, ça, et quelques. Ouais. Donc, oui, ça n'a pas marché. Ah, là, je suis sur le cul. Alors, ça a beaucoup mieux marché en Espagne. J'ai pas compris pourquoi. En Allemagne, pas du tout. Un peu comme la France. Donc, bah, en fait, là où se passait l'action, ça a pas fonctionné. Ça a pas fonctionné. Parce que ça se passait dans un camp allemand ouais. Et dans le stade de Colombes en France. D'ailleurs, qui n'était pas le stade de Colombes. Hein. Ça a été tourné, je pense, en Ukraine ou quelque chose comme ça. Parce que c'était un stade qui ressemblait au stade de Colombes. Mais voilà, en fait, ça n'a pas fonctionné en France. Non, et je me rappelle. À nous la victoire, oui, évidemment. Un film que j'ai vu quand j'étais jeune, j'adore. Enfin, je cherche pas. Si tu me parles de Stallone et de Bill Conti, t'es mort. Bah oui, mais Conti je me doute bien. Fait tout, mais c'est quasiment toutes les musiques des films de Stallone. Donc, mais je pense qu'il a tout fait. Ouais. Ouais, il les a toutes donc, fait. Voilà. Tu m'aurais dit Bill Conti tout de suite, j'aurais dit. Mais c'est victoire. Pour ça que je l'ai pas dit, parce que je savais très ah bien bah qu'il oui, faisait évidemment. Les musiques de Bill Conti. De fait Stallone. Des super musiques quand même. Hein. C'est, bah, Conti. Partigo. Mais non, mais la musique de Rocky, c'est Bill Conti. Et après il a, ouais celle-là. Et il y en a fait d'autres après. Hein, oui. Il y a Prélude dans de Bach. Dans tous les Rocky, hein, il a fait beaucoup. Des musiques magnifiques. Tu connais, il y a Prélude de Bach hein, qui ressemble beaucoup. Ah peut-être, bah oui, il a rien inventé, bah évidemment. C'est le Prélude de Bach. Évidemment, évidemment. Bon les gars. Oui. Le temps passe vite, merci à toi. Et bah, je t'en prie. Oh, que le temps passe vite. Parce que derrière, il y a Canon. Oui. Y a d'actualité. Bah, alors, justement, bon, on va se faire une petite coupure musicale avec Survivor et Eye of the Tiger. Ah, bah tiens. On va continuer oui, un petit peu avec Stallone. Et ensuite, on va revenir avec Tok Tok et Such a Shame. Bah, trouve-moi autre chose de Such Survivor, tiens. Burning Heart. Rocky. Burning Heart. Ah ouais, j'adorerais. Bon, bah, allez. Burning Heart, alors. Tu l'as ? Oui, oui, je l'ai. Attends, je vais. Je vais retourner sur Survivor. C'est un crack ce mec, en fait, tu lui demandes un truc. Mais lui, il assure toujours. Il y a trois semaines, on a reçu Gustave Dassonville, donc maire d'Aluin, quand même, monsieur ouais, le maire d'Aluin. Très charmant. Et d'un coup, il nous parle d'un morceau. Ch'tac. Ah oui, il a et alors là, paf 10 secondes après, il balance. Et là, il a regardé, il a fait t'as fait comment là Mais c'est rappelle. Vrai qu'il était épaté. Alors que l'année dernière, il a dit putain, mais quel con, lui, dis-moi, bah merde. C'est vrai, comme quoi on peut changer du tout au tout. Comme quoi, d'une année, une autre. T'as tout là, c'est vrai, il a plein de titres. Ouais, j'ai pas mal de non, mais tu peux nous sortir le vrai orgasme de Nissa. Attends, il y a peut-être moyen. Il y a peut-être. Attends. Attends. Je dois peut-être l'avoir quelque part. Le papa pagouin, le papa pagouin. Non, non, non. Attends, il faut l'orgasme que je retrouve d'Anissa. Tu l'as. Oh, peut-être, peut-être. Ah, mais l'île Louis. Oui. Ah oui. Liceo, Santiano. Ah, si t'as l'île Louis, ouais, allez, vas-y. Tu l'as ? Eh ben oui, je l'ai. Attends. Allez, ben, ce qu'on va faire, c'est que justement, on va mettre Survivor avec Burning Heart. Ah, et ouais. Ensuite, l'île Louis avec French Kiss. Voilà, allez. Mais donc, vous écouterez que Onissa est aussi voilà. Très bonne choriste. Allez, c'est parti. We'll be right back. Quand même. Ah, mais toi, tu peux que écouter, mon chéri. Tant mieux. Donc, vous êtes toujours dans l'émission de 80 à l'heure sur RQC 95 FM, non, toi, comme tous les mardis soirs, évidemment, de 20h à 22h30. Ça devient n'importe quoi dans cette émission. Non, Canon, s'il te plaît. Calme-la. Attends. Il faut qu'on se calme, là, d'accord? Donc on est toujours avec Sherlock, évidemment. Oui, bonsoir à tous, bonsoir. Avec Flipkat. Ouais, oui, bonsoir. Avec Canon. Elle est partie. Et avec, bien sûr, Onissa. Ah oui. On va se faire mais dessus. Mais toi, t'arrêtes pas de dire. On va se faire dessus. On va se faire rien du tout, on fait ce qu'on veut, c'est notre émission. Alors, il faudrait m'en arrêter. On l'a fait bien. Il faudrait m'en arrêter aussi, s'il pouvait installer un lit dans le fond. Parce qu'elle est fin d'émission, elles vont J'aime terminer bizarre. Non, Rico, évidemment, mais si non, tu nous écoutes, on plaisante. On dit ça, un lit. Hein? Ah non, on dit ça, un lit. Alors qu'il y a une table avec un micro noir. On a la table. Tiens, Canon, t'as la parole. Oui. Je sais que t'as beaucoup d'actualités, toi, tiens, en ce moment. Bah, pas personnellement, forcément, mais oui. Le fait de la musique, t'as alors, non, préparé, on y est bientôt. Non, je vais parler d'un événement qui va se passer ici le 11, sauf erreur, c'est dimanche, c'est le petit Courtrai qu'on a déjà reçu, qui fait un thé dansant. Alors, thé dansant, ça fait tout de suite rire, mais ça n'a rien de ringard. Y a pas de thé. Non, mais c'est vraiment plus. Tu sais, demande un thé. Au thé dansant, petit Courtrai, je vais prendre un thé, tu me rigoles. Je t'invite et je vous invite tous, mais ah bah, je t'invite. Ouais. Voilà, donc c'est le dimanche. Non, je peux pas. Oh, ah. T'avais dit qu'on allait. Bon, alors, je suis là pour vous, attendez. Je suis à la fête du tracteur, moi, le 11. Donc, voilà, mais t'allais en parler, donc le dimanche 11 à Moucron. Ah, c'est un dimanche. C'est dimanche. Oui, c'est dimanche. Bah non, c'est samedi le 11. Non, dimanche, c'est le 11. C'est dimanche. C'est la fête des pères. Ah, moi non plus. Alors, le dimanche 11 au Petit Courtrai, donc c'est à Moucron, hein, quartier du Petit Courtrai, ouais. Tout simplement. On a déjà assisté, on a déjà sponsorisé, on a fait pas mal de trucs, et là, ils font un thé dansant. Alors, ça se passe très bien, c'est la 4e édition, donc dès que t'entends thé dansant dans l'émission 80 à l'heure, c'est oh là là, c'est flonflon. Non, ils ont l'esprit guinguette, mais avec un vrai chanteur, avec une vraie animation, et ça va être l'esprit guinguette avec les années 80, ouais, avec des musiques techno. Ça, c'est avec... plus fort que les Belges, ils appellent ça thé dansant, pourquoi ils appellent pas ça après-midi dansant. Je veux dire, c'est une volonté, alors je fais pas partie du comité, mais j'y suis très proche, c'est une volonté en fait. Le thé dansant, c'est voilà, c'était un esprit. Le thé dansant, c'était le moment de se dire, il y a plein de trucs festifs qui se passent partout, mais le seul moyen d'arriver à midi, de faire une petite restauration et d'un autre côté pouvoir parler entre nous avec de la vraie musique, mais sans qu'il y ait du blam blam du cancer, d'un autre côté pouvoir danser, pouvoir se poser, c'est vraiment quelque chose de festif, familial, mais qui est tout sauf ringard. Moi, je suis ah non, c'est clair, à suis des années lumière. J'ai adoré. Moi, je suis allé à non, des. En fait, c'est quand tu dis thé dansant, c'est plus ouais, c'est péjoratif. Le moment festif. Mais non, de le, toute façon, le, je suis à des. Pour ceux qui me connaissent un peu et ceux qui m'écoutent, je suis à des années de lumière de ça. C'est très, très, très humain. C'est sympa. On passe un bon moment. On se pose, on parle, ça danse. C'est multigénérationnel. C'est super sympa. Ça commence à 11h30 le matin. Petite restauration sur place. Si vous arrivez à 14-15h, il y aura un chanteur qui chantera en direct. Voilà. Avec, bon, en même temps, faire, mieux, un chanteur qui chante, oui. C'est sinon, qui moi, je vais te faire du chanson avec un CD. Si tu veux, je te le fais. Hein, mais... voilà. De toute façon, t'es pas là, t'es sur ton tracteur. Hey, tu vas pousser la chansonnette quand même. Oui. Quand même. Ah bon. Je chante voilà. Toujours. Bah, et si ça. Vous voulez m'entendre, par oui, contre, oui, moi, oui, je fais un. Je suis un événement, c'est au Touareg à Waterloo le 24 juin. Ouais, le jour beaucoup, de la fête là, de la musique. Et, hein, voilà. Tu te calmes, mon ami. Donc le 24, et je suis aussi à Moucron à la Ducasse. Je vous en parlerai la semaine prochaine parce que là, voilà. Bon, le 24, on en reparlera évidemment. Pour l'instant, c'est le 11 juin. Oui, en juin, bah, donc au Petit Courtrai. Au Petit Courtrai dimanche. C'est bien, c'est ouais, sympa. Non, mais je peux pas. Alors vous tapez pour ceux qui veulent savoir ce que c'est quartier du Petit Courtrai. C'est l'occasion de rencontrer des gens super sympas. C'est pas la petite fête d'animation de quartier plomb-plomb. C'était ce qui a eu comme vocation il y a 15 ans de ça. Maintenant, 80 à l'heure sera là d'ailleurs, certainement le 9 septembre. Il y a la Ducasse du Petit Courtrai qui prendra maintenant 3 jours. Qui va prendre. Ah, faut y aller, vous ne savez pas aller, encore, ouais. Ça va prendre 30% d'amplitude avec des vrais stars. Il y aura les Chocolates, il y aura des gens qui vont se produire. Salvatore et Aquaviva. Il y aura moi, donc des vrais stars. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, alors, 80 à l'heure est invité en tant que. Ah, si, si, on fait la promo, il y aura. Non, les animateurs. Les animateurs 80 à l'heure sont invités par le comité du Petit Courtrai. Ah, moi je vous, ah bah, avec plaisir. Et si on pouvait même organiser une petite session. On est 5. Ou allez, pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. On, et moi je chante. Flip Catipolo, qui est censé. Au mois de septembre. Non, là on parle du 11. Ah, le 11. J'ai un concours, oui, le 11, ouais, je peux comprendre. Concours de Chablis sur le parking d'Aldi à Foch-Ménil. T'as le concours de quoi, Chablis? Il fait les courses. Il n'est pas là, il fait ses courses. Non, j'avais compris entendu. Concours de Chablis. Oui, non, mais c'est ça. T'as bien entendu. Ah, c'est ça. Un concours de Chablis, voilà. Ah, moi j'ai compris du Chablis, moi. C'était pour boire, moi. Donc. Non. Hé hey, 22h. Je crois que c'est le moment de balancer un petit coup de Star Wars, n'est-ce pas? Ah oui, ouais. Attends, je vais faire Chewbacca. Ah oui, non, il va faire l'éléphant, il le fait bien, Calon. Ah, c'est Chewbacca que tu veux peut-être. Attends, je sors ma trompe. Ah non, je reviens dans les oreilles. Attends, allez. Sors ta trompe, ça va. Ah, pardon. Tout le monde n'est pas comme toi. Ah bon, je sors ma trompe, ça va. Hey, Dumbo, ta gueule. Oh, moi j'aimais bien Dumbo. Dumbo, c'est grandes oreilles et petite queue. Ouais, elle est tellement attachante. Elle est attachée. Non, y a rien à attacher. Bon, oui, effectivement, je vais vous parler des sorties ciné donc pour cette semaine, pour la Belgique et pour la France. Et je vais commencer avec le film qui sort en Belgique demain, qui s'appelle La Momie. Attends. Ah, ça a l'air pas mal. La momie avec Tom Cruise. Non, pas Brad Pitt. Tom Cruise, Russell Crowe et Annabelle Wallis. C'est un film de Alex Kurtzman. Ça sort en France le 14 juin, pardon. Ah bon, ça sort en Belgique avant? Ouais. Ah, c'est étonnant. Ah, ça arrive, hein, ça arrive des fois. On n'est pas toujours à c'est... Ouais, c'est une grosse prod américaine, quoi. Donc, dès qu'on est sûr que ça va marcher, ça sort en Belgique. Ça dépend, alors il y a des moments, ça sort une semaine avant en France ou une semaine avant en Belgique, ils se tirent toujours un peu la bourre. Franchement, je suis, tu me donnes jamais envie d'aller au cinéma, mais là, le teaser, je l'ai vu, j'ai dit, oh putain, ouais, quand même. Franchement, ouais. Ouais, mais ça, tu le diras quand on fait le tour de table. Donc, bien qu'elle ait été consciencieusement enterrée dans un tombeau au fin fond d'un insondable désert, une princesse de l'ancienne Égypte dont le destin lui a été injustement ravie, revient à la vie et va déverser sur notre monde des siècles de rancœur accumulée et de terreur dépassant l'entendement humain. Elle va foutre un bronze pas possible en fait. Ouais, comme toutes les femmes quoi. Mais alors ça reprend un peu les recettes de l'ancienne momie en fait qu'on avait connue avec Brendan Fraser. Ouais. Mais là, alors, au lieu que ce soit... Moins humoristique, je crois. Hein. C'est beaucoup moins humoristique, c'est beaucoup plus action. Ouais, Vous savez pourquoi elle a été déterrée, au fait? Bah parce que Tom Cruise. Oh là là. Et je m'attendais à une anecdote, alors là, franchement... Non, franchement, bravo. Ouais, j'ai trouvé. Non, faut pas l'encourager, si. En plus, il n'y a pas d'allusion sexuelle. Alors. Voilà, je suis un introducteur. C'est pas fini encore. Un introducteur. Ah non, franchement, là, j'ai bien aimé. J'ai très bien. J'avoue que la bande-annonce est pas... Ouais, la bande-annonce est vraiment très bien. Elle est assez... Enfin, elle est pleine d'effets spéciaux. On retrouve un peu le... Enfin, je sais plus si vous vous souvenez de La Momie d'il y a quelques années, où on voyait la grosse tempête de sable avec le visage en sable et tout ça. Là, on revoit ça également, mais avec le visage. C'était trop humoristique. Il y a un côté plus sombre. C'est ça. Là, par contre, c'est ce que j'ai aimé. J'ai aimé dans La Momie, c'est ce couple-là, la dualité entre le couple, qui était quand même sympa. Avec Fraser. Ouais, parce que j'ai trouvé que 15-20 ans après, ils ont réussi à faire un peu le diamant vert, l'arche perdue. On avait perdu un peu ça. Ouais, et j'ai Fraser, trouvé que lui, j'ai un problème quand il avec prend lui, son flingue, il cherche ses balles pendant que l'autre il bouge. Fraser, j'ai un problème avec lui, c'est que c'est un humoriste. J'ai bien aimé. C'est lui qui avait fait Georges de la Jungle. Oui, je suis d'accord. Flip 4, tu voulais dire quoi? Oui, je disais, c'est vrai que c'était bien fait, mais ça... Ça enlevait un peu de crédibilité, je veux dire. Voilà, ça, côté humoristique. Par rapport aux effets spéciaux qui étaient formidables. Exactement. Le côté humoristique tourné à la direction, ça. Ça j'ai pas accroché du tout avec ça. C'est trop marrant. Ah, moi j'ai. Cela dit, j'ai bien aimé. Moi, il y a eu Indiana Jones et ça s'est éteint. Et un jour, il y a eu La Momie. J'ai regardé et je me suis dit, ok, il faut garder un peu son âme d'enfant. Tu as aussi, mais il faut mettre de côté. Je suis d'accord, critique technique, tu as raison. Après, 100%. Et peut-être que La Momie, mais quand tu te remets dedans, il voulait en faire un film. Ouais, tu te remets dedans. C'est vrai qu'avec sa femme et son. Il y a des trucs tellement. Je me suis dit, au moins en 2003 ou 2000, je ris un petit peu comme j'ai pu rire comme un con avec 20 ans de plus, comme les années 80. C'est assez rigolo. Oui, c'est rigolo, évidemment. Le diamant vert, je sais plus le supporter, par exemple. Parce que ça vieillit. Comme la momie, ça passe encore, je l'ai vu il y a un an, c'est bien. Dans le même temps, vous aviez vu, mais je pense que c'était juste un téléfilm. Les aventures du jeune Indiana Jones. Oui, mais c'est pas mal. Il y avait Ronnie Cooter. Oui, Ronnie Cooter. Ah bah j'ai pas accroché du tout, moi. En mono. Ronnie Cooter. J'ai pas accroché. C'est comme un peu... je suis désolé, mais... c'est comme on reprend l'arme fatale en feuilleton, j'accroche pas. Oui, ma mère me demandait encore. Ah, moi j'aime bien. Ouais. Bah ouais, mais j'accroche pas. Mais tu sais pourquoi ? Parce qu'on a connu Mel Gibson. Mais c'est d'un autre côté, quelqu'un qui subit une suérie, c'est pas la plus nulle. Non, comme, non, j'ai pas dit le contraire. Comme Hawaii Police d'État. Bah quand tu regardes un Hawaii Police d'État de l'époque, c'est insipide. Ouais. Quand tu regardes maintenant, c'est plus musclé. On est dans une époque. On est dans, et je les trouve bien. Je les trouve bien, mais c'est vrai que on n'est plus simplement, on a plus 16-17 ans et puis l'autre. Mel Gibson me manque. Oui. J'ai regardé un peu le feuilleton. Je me suis dit, J'ai aussi, enfin, j'ai un peu de mal moi à accrocher avec l'acteur en lui-même qui reprend le rôle de Mel Gibson. Ouais, par contre, pour. Mais je trouve que tu as vu Mad Max. Ah lui, il est bon. Ouais, d'accord. Mais là, par contre, dans L'Arme Fatale, l'acteur qui reprend. Non, pas le feuilleton. Non, le film. Ah, des... le remake. De Mel Gibson qui était remplacé. Ouais, mais non. Sherlock, à ce moment-là, tu dis, et les deux Muppets Show, vos gueules, je suis en train de parler. Tu les coupes, les deux vieux. Mais on parle de cinéma. Non, mais c'est vrai que là, pour le coup, l'acteur, là, j'ai un peu de mal, mais je trouve qu'il joue quand même bien son rôle. C'est juste qu'on a l'image de Mel Gibson qui est encore présente. Bah ouais, c'est ça. Parce qu'il a marqué. Oui, mais bien sûr. Mais c'est pareil pour Danny Glover. Je trouve que l'acteur qui joue le rôle, donc qui est un des frères Wayans, le joue très bien. Mais je le trouve trop jeune. Parce qu'on a des références. Oui. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'on a des références. C'est comme par exemple Bruce Willis, pardon mon Dieu, auquel je ne crois pas. J'ai pu le voir dans un film. Il y a eu Bruce Willis, et un jour Bruce Willis a fait des DVD, des machins, un CP pour jouer le Magic Mike Parker. Il y a quelques heures là. Oui, non, mais je veux dire. Ah, pas celui-là. Ah, mais moi j'aime bien. Moi. Non, le clin d'œil, c'est vrai qu'on a le sosie en fait de Bruce Willis dans Chiffon Rouge. Et il nous écoute peut-être. Et de Luc Plamondon. C'est vrai. Plus Plamondon. Il n'y a pas d'autres films qui sortent. Si, alors oui, effectivement. Donc il y a un film qui sort demain en Belgique et en France qui s'appelle The Wall. C'est avec Aaron Taylor Johnson, John Cena et Leith Nackley. C'est un film de Doug Liman. Donc ça se passe pendant la guerre en Irak. Le sergent Locke et le lieutenant Hobbs sont pris sous les tirs du tristement célèbre Phantom, un sniper irakien, dans un village abandonné. Alors que Hobbs, grièvement blessé, gît au sol, Locke se retranche derrière un mur et tente d'appeler du renfort. Mais c'est le sniper lui-même qui lui répond. Au-delà d'une lutte pour la survie, c'est une guerre de volonté qui se joue, faite de tactiques, d'intelligence et d'aptitude à atteindre l'ennemi par tous les moyens. C'est une histoire vraie, ça. La musique, c'est les Pink Floyd. Si, apparemment, c'est parce que ça me rappelle quelque chose, mais plus dans l'actualité. La musique par les Pink Floyd. Ouais, mais le thème, il est grave. Je pense pas qu'ils aient repris le thème de Pink Floyd, par contre, pour le titre. Alors, ensuite sort en France et également en Belgique demain le film « Comment j'ai rencontré mon père » avec François-Xavier Demaison, Isabelle Carré et Albert Delpy. C'est un film de Maxime Motte. Donc c'est dans la famille d'Enguerrand, qui est un petit garçon adopté d'origine africaine. Rien ne se fait comme ailleurs. Son père Elliot, qui est joué par François-Xavier Demaison, assume si peu d'être un père adoptif qu'il bassine son fils à longueur de journée sur ses origines africaines. Pour sa mère Ava, Elliot en fait trop aimant, trop étouffant. Une nuit, Enguerrand croise le chemin d'un migrant, Kouabena, à la peau noire comme la sienne. Donc pour lui, c'est forcément son père qu'il n'a jamais connu. Et il décide de le prendre en fait sous son toit. Sous son aile. Il va l'inviter dans sa chambre directement. Et il va y avoir plein de quiproquos. Ça va rapprocher plus ou moins la famille. J'aime pas de maison, moi. Donc. Ah, moi, je suis agent immobilier, moi, non plus. C'est con, là. Eh, Benin, quoi ? Non, mais je vais finir. J'ai un problème avec François-Xavier de Maison, il me fait pas rire du tout, quoi. Non, je suis d'accord. Mais pas du tout. Je suis d'accord. On le voit partout, quand il parle, il me fait pas rire. Tu connais ? Je suis d'accord. Oui. Je suis d'accord. Il me fait rire ? Il me dérange pas, moi. C'est... Non, c'est je suis d'accord. Il te fait rire. Mais attends, j'ai pas fini la phrase. T'aimerais bien qu'il vienne chez toi, d'accord, mais après. Non, pas du tout, c'est pas mon style. Bah, non, de Maison, elle aime pas, on y sait. Moi, j'ai la mienne. Alors, je vais finir avec un film. Une petite lanterne rouge. François-Xavier de Maison. C'est un jeune, non, il n'y a pas sûr. Il n'y a pas sûr. Il y a ton âge. Ce sont des gens qui ont. Je ne suis certainement pas relevé, ouais. Vous avez pas entendu, c'est Onissa qui dit, mais il n'est pas jeune, il a ton âge, arrête. Ben non, il est, non, il a ton âge. Excuse-moi, mamie. Hein. Donc, tu dis. Et donc, je vais finir avec un film que Canon va aller voir au cinéma, je pense. Oui. Wonder Woman. Ah oh, oui, oui. Voilà. Wonder Woman. Oh, elle lui ressemble pas. Avec Gal. Pour t'as connu comme Wonder Woman. Mais non, parce que toi. Pas, mais parce que tu as connu la série des années 70. Bah donc oui. Forcément, elle ne ressemble pas. T'avais 15 ans. Mais non, mais. Belle meuf, mais elle lui ressemble pas. Attends, mais non, mais après, il cherche pas non plus à lui ressembler. Non, mais est-ce que tu as regardé la Wonder Woman de comics? Est-ce que t'as vu Superman vs Batman? Je l'ai vu. Elle apparaît parce qu'elle apparaît déjà dedans. Wonder Woman, j'ai vu les affiches avec Wonder Woman, je me suis dit, mais elle ressemble pas du tout à Wonder parce Woman. Parce que maintenant, Marvel met des. À chaque film. Là, c'est DC Harry, Comics. Oui, pardon, tu as raison. DC Comics, qui sont les deux licences, en fait, ouais. Arrivent à mêler. C'est assez impressionnant. Moi-même, je m'y perds. Je dis, purée, ils ont fait le film il y a 3 ans. Ils arrivent ouais. à mettre un personnage qui commence à lancer l'histoire d'un film qui sort dans 3 ans. Et je dis, c'est une firme qui est faite sur 20 ans. Et en fait, ah, Wonder Woman, ça a été lancé il y a 3 ans, maintenant 2 ans, par le film. Ouais, 2 ans. 2 ans, Superman vs Batman. Et en fait, c'est elle qui apparaît, mais c'est plus la même, évidemment. T'as vu les photos récemment de la. Bah ouais, je la trouve pas. Bah, on dirait toi et moi 20 ans après. Hein. Alors, le truc, c'est que déjà, quand elle apparaît dans Superman vs Batman, c'est pour déjà initier les gens au fait qu'il va y avoir un film Justice League. Ouais. Donc, c'est un peu comme les Avengers, mais c'est pour les DC Comics. Elle ressemble pas. Elle ressemble pas à Wonder Woman. Mais non, parce que toi, tu as connu la Wonder Woman ah de ouais, la série. Celle qui tournait pendant 15 heures. Là, ben oui. Vas-y, DC Comics. Alors, donc, c'est Marvel. Avec Gal Gadot, donc, qui joue Wonder Woman, avec Chris Pine et ça, Connie ça Nielsen. Comment la meuf Gal Gadot. Gal Gadot. Ah ouais. Gal Gadot. Non, j'ai pas le contraire. Oui. Et donc c'est un film de Patty Jenkins, donc c'était avant qu'elle ne devienne Wonder Woman, à l'époque où elle était encore Diana, princesse des Amazones et combattante invincible. Un jour, un pilote américain s'écrase sur l'île paradisiaque où elle vit, à l'abri des fracas du monde. Lorsqu'il lui raconte qu'une guerre terrible fait rage à l'autre bout de la planète, Diana quitte son havre de paix, convaincue qu'elle doit enrayer la menace. Et en s'alliant aux hommes dans un combat destiné à mettre fin à la guerre, Diana découvrira toute l'étendue de ses pouvoirs et son véritable destin. C'est c'est ton pas. Destin. J'ai vu les photos, j'ai vu les bandes annonces. Ouais, moi c'est pareil. Elle lui ressemble pas du tout. Non, du tout. Non, c'est une belle femme, on est d'accord. Non, mais c'est une belle femme. Mais c'est pas Wonder Woman déjà. Mais moi, elle a plus le même costume. Moi, j'attends son lasso. Pour faire dire la vérité. C'est ça, c'est que toi, tu t'es arrêté au costume des années 70-80. Non, je parle de la femme. Non, ouais. Pas du costume. La femme, elle ressemble pas du tout à Wonder Woman. Ouais, mais c'est Wonder Woman, t'as déjà vu le comics? C'est pas du tout. Comment t'as ah ouais, mais non, moi j'ai vu le feuilton. Bah oui, mais forcément, mais c'est vrai qu'elle arrive avec son lasso, je dis non. Montre-moi une photo de la vraie Wonder Woman de l'époque, tu vas voir la différence, ça n'a rien à voir, quoi. Ouais, mais t'aimes les vieilles. Non, à l'époque, elle n'était pas vieille. Bah, si, j'aime bien dire ça. Tu dis conneries. Ah, non, j'ai pas dit très vieille. Alors, donc, la vraie. Enfin, la vraie, Diane, non. Regarde. L'actrice ouais, des regarde. Années 60. Bah, regarde, excuse-moi, je suis désolé. Tu regardes la vraie actrice de Wonder Woman, ça n'a rien à voir. Ouais, mais t'es attiré par les sexagénaires. C'est parce que t'avais un fantasme à ton époque que ton médecin a dû. Mais non, mais. Traiter. En fait, non, moi, ce qui me gêne, c'est que on modernise. Et on prend des actrices de maintenant. Regarde. Donc c'était Linda Wonder Carter. Wonder Woman à l'époque. Regarde. Ouais, regarde Wonder Woman c'était Linda à l'époque. Carter. Canon. Linda Carter. Ouais. Arrête. Regarde. Canon. Oui, mais regarde. Je la connais par cœur. J'ai vu tous les. Voilà. Regarde oui. là. Oui. Bah regarde ce qu'on nous a fait maintenant. La nouvelle version de Wonder Woman. Ouais. Bah ok. Bah ouf, ouais ok. Oh bah ouais ok. Mais j'ai pas dit qu'elle était pas jolie. Elle est jolie. Mais ça n'a plus rien à voir. Mais c'est parce qu'elle n'a pas le même costume. Oui, mais c'est comme c'est Batman. Bah c'est pas normal. C'est oui, pas c'est normal. Ça, mais non, ouais, mais c'est comme. Ouais, alors Batman lui a changé X fois de costume oui, déjà. Non, ouais, mais non, quand non. tu la vois, regarde avec son short, etc., en forme Libra, sponsorisé par Libra, ouais. En culotte anti. Là, on parle du film, hein, pas de son physique. Hein. Ouais, non, mais. Non, après. Wonder Woman c'est une a été déprogrammée à Alger. Ça y est non, en Israël. Non, à Alger. Ouais, ouais, j'avoue, d'accord. À cause de l'actrice israélienne Gal Gadot. Elle est belle, mais c'est pas pour moi. Tu vois, ça, ça sera le truc qui m'énervera toujours. C'est une actrice, c'est une actrice. Dieu sait qu'il y a des gens qui font du spectacle ici. Et tu vois, quand on parlait de se travestir ou n'importe quoi, voilà. Les donc, gens. Là, bah, là, regarde la différence. Bah, je préfère celle de gauche que celle de droite. Alors, j'explique radiophoniquement parce que c'est, on a le, celle de, d'il y a 30 ans et celle d'aujourd'hui. Bah, je préfère celle d'il y a 30 ans. Oui, mais imagine s'il lui avait mis le même costume, tu serais moins. Alors, il y a celle de gauche qui arrive avec sa culotte taille 48 avec ses étoiles blanches. Ah, et l'autre qui arrive avec son cuir noir moulant. Les deux, je les prends récemment, il n'y a pas de souci. Hein. Mais non, mais le truc, c'est que là, ils se sont basés sur. Sur le comics qui a évolué aussi parce que l'actrice qu'on connaissait dans les années 70-80 c'était par rapport au bouquin qui était aussi des années 70-80 et là le comics a évolué, les costumes ont évolué et là ils se sont basés sur l'histoire. Et puis je suis d'accord avec toi. Attends, mais je suis en train de taper sur Google, tout le monde peut regarder Wonder Woman Origin, c'est pas du tout non plus la personne, la seconde incarne plus la guerrière qui était dans les comics et qui a rien à voir avec le côté glamour. Ah oui, mais là, tu parles de la BD. Mais c'est comme Batman. Oui. Et bah oui. mais ils se sont basés sur ça. Oui, mais ils ont refait. Batman est un personnage sombre, torturé. Qu'il tue, il torture, il est noir, il est dans l'ombre. Ils en ont fait parfois un personnage glamour. Captain America. Et tout donc, sauf une fiotte. T'es en train de me dire qu'il redonne une dimension à la vraie Wonder Woman. D'ailleurs, le mec qui s'écrase avec son appareil, etc. Je vous rappelle que les Amazones se faisaient couper un sein pour mieux tirer à l'arc. Donc là, déjà historiquement, logiquement, quand tu vois la BD, elles ont toutes un côté plat et n'importe quoi qui a pas été respecté parce qu'on a féminisé et on a donné envie à toi et à moi d'avoir envie d'être pris au lasso. Nickel. Toi qu'un seul testicule. Ouais, mais lui, il s'en sert. Lui, il s'en sert. Sherlock, toi, au moins, tu t'en sers. Oui, bien sûr. Alors, attends. Adolf Hitler, j'en profite parce que je dis des méchancetés à Sherlock. C'est vrai. Mais c'est parce que... Après, on va arrêter, mais j'en parle off. Enfin, oui. Non, j'en parle pas off. Puisqu'on est en plein, mais c'est pas grave. On s'envoie des vachetés. Ah oui, parce qu'on s'aime pas. Chacun est ouais, parce qu'on s'aime bien. Voilà. Bah oui. Bah si tu pouvais m'aimer un peu moins. Promis. Et arrête de me frapper. Je vais avoir des bleus partout. Attends, je viens de te prendre ton bras. Je te caresse. Bah dis donc, t'as une façon de caresser. Je vais t'apprendre, moi. Parce que dis donc, il y a du travail. Oui, mais voilà. Mais ah donc, oui, ça c'est la vraie. Bah oui. Wonder Woman, ils en ont fait donc une version plus guerrière. Ah ouais. Parce que aussi, les films dernièrement, Superman, Batman, toutes les. Enfin, il y en a un qui va sortir également qui s'appelle Aquaman, qui va aussi faire partie de la. Aquaman. Ouais, Aquaman. Qui va aussi faire partie de la Ligue des. L'homme de l'Atlantide. Non, c'est pas l'homme de l'Atlantide, ça n'a rien à voir. Mais il y a eu, par exemple. Green Lantern qui était également qui était sorti avec alors lui c'était un ovni j'ai pas aimé non même l'acteur qui joue maintenant qui a joué Deadpool dernièrement se fout de sa gueule dans les Deadpool films, ça lui va vachement mieux parce que Green Lantern c'est un personnage très sombre, très noir, qui a pas beaucoup de dialogue, qui a rien à voir avec ça. Je sais pas. Ouais, ça ne parle pas. Et ils l'ont tourné de façon un peu comique et ça n'a pas pris. C'est pas. C'est très bien que je suis pas comics. C'est pas un que j'ai bien aimé. Alors là, par contre, je l'ai revisité très rapidement. Il y a eu plein de Spider-Man. Et le dernier acteur, j'ai commencé à regarder le film au bout de 10 minutes, il me plaît pas. Et en fait, en regardant, en étant vraiment branché Marvel, je me dis c'est celui qui a jamais le mieux incarné à mon humble avis. Hein. Le vrai Spider-Man, qui était un adolescent, c'est-à-dire celui qui a lu Marvel. Tu parles duquel dernier, le dernier acteur. Celui contre. Vraiment le dernier. Electro, le tout dernier, ici, assez récent. Les derniers Spider-Man. Ouais, parce qu'il y en a un qui est en préparation, qui doit sortir. Non, je te parle de ceux qui sont sortis. Non, mais très rapidement. Ah bah, ça, non. Ah bah, chacun ses années 80. Non, mais c'est pas ça, c'est que j'ai l'impression qu'il y en a plein qui sortent. Ouais, il y a eu. Oui. Il y a eu celui qui ressemble un peu à Harry Potter quelque part, là. C'était pas mal. Tommy Maguire. Tommy Maguire. Tobey Maguire. Les effets spéciaux. Il y a encore eu un autre. Ouais. Oui. Les effets spéciaux. Les effets spéciaux, tout ça, ça tient le film. Tu regardes le film, c'est pas mal. Par contre, celui qui est peut-être un petit peu plus chiant, un petit peu moins, mais qui colle pour moi complètement au personnage de Tony Parker, ouais. C'est le dernier, les derniers Spider-Man. Avec, j'ai plus le nom de l'acteur. Si un auditeur peut nous aider, ouais. Parce qu'il est adolescent, il est complètement barré. C'est un moment, tu suis le film et tu décroches. Andrew Garfield. Andrew Garfield. Ouais, mais c'est parce que toi, t'es fan de. Bah oui, mais c'est ça notre esprit années 80. Aujourd'hui, t'as des gens comme un ado que je connais, là, 18 ans, 17 ans, qui va voir des films de Spider-Man. C'était notre époque. C'est comme les années 80 et U2 et tout ça. C'est-à-dire, c'est revisité. Et pour une fois, Wonder Woman, je demande à voir. J'espère que ça tient la route au niveau scénario. Je suis d'accord avec toi, mais moi, je m'éclate en regardant Spider-Man 1, Superman 1, 2, 3. Ah, mais oui! Après, terminé. Et le 4, peut-être aussi, non? Non, le 4, tu deviens un peu. Je les ai, moi. C'est un peu le bordel, quoi. Je les ai, effectivement. Mais par contre, le dernier. Le vieux truc où le mec, c'est limite, il enlève son pyjama. Non. Le dernier, il se prend des balles. Non. Mais après, le reste. Le dernier, il se prend des balles. Il peut mourir. Ouais. Le peuple le rejette complètement parce que c'est un anti-héros. Ah oui, oui, c'est vrai. Bah, c'est exactement dans les derniers Marvel. Jusqu'à celui-là, qui ont été repris par les trucs. Après le reste, non. Il devient tellement surpuissant. Et en fait, dans les années 1937, si je dis pas de bêtises, Superman, il avait tous les pouvoirs. Ils l'ont tellement mis en Égérie. Après, Captain America a pris un peu sa place pendant la guerre. Ils l'ont tellement mis en Égérie que le problème, c'est que personne ne pouvait le détruire. Et la kryptonite, ça avait vieilli. C'est-à-dire, il fallait en faire un anti-héros. Et les derniers Marvel, en fait, la licence Marvel. Superman, DC Comics. DC Comics. Les dernières licences DC Comics, on en fait un anti-héros parce qu'il est devenu. Je vais te dire, ouais, mais alors là tu es en train de parler. Tu as deux licences. Les plus grosses licences, DC Comics et Marvel. Après, tu as eu les X-Men. T'as eu aussi les 4 fantastiques. Hein. T'as eu des. Ah oui. Aide-moi, s'il te plaît. Ils sont fans. Mais c'est un univers. Oui, mais ils sont fans. Aujourd'hui, ils sont complètement tu sais fans, combien à Paris. Ah, si, mais moi, je suis pas tout. Ouais, à Paris, ici, ils ont fait une exposition. Ils en ont fait une il y a 7 ans. Ouais. Ils ont fait une exposition des Marvel, dont nous, on est fans. Voilà. Tu sais combien il y a eu de visiteurs 117 millions à Paris. 117 millions de fois la France. Ça a duré 2 ans, l'expo. 117 millions. C'est un phénomène. Star Wars, c'est un phénomène. Ah, Sherlock est un phénomène. Mais on fait ce qu'on peut. Star Wars, j'adore Star Wars, mais il n'y en a qu'un seul que j'adore. Il n'y a rien à faire, c'est Dark. Le Retour du Jedi. D'accord. Alors, je peux pas. Il faut savoir que les fans de Star Wars préfèrent l'Empire contre-attaque. Ah, c'est un des meilleurs. Je peux pas. Je suis assez d'accord, moi aussi. L'Empire contre-attaque, c'est l'épisode préféré de la majorité des fans. Et par contre, le dernier, je ne le supporte pas. Je l'ai revu, je l'adore. C'est-à-dire, c'est qu'à un moment, ils effacent l'histoire. L'épisode 7 ou pas ouais, le Rogue One. Je l'ai vu en tant que fan de Star Wars. Je l'ai subi et je ne le supporte pas. Le tout dernier. Ça dépend, parce que le dernier, c'est Rogue One. Le dernier sorti, Rogue One. D'accord. Et les mopettes. Non. Et le dernier, maintenant on a des auditeurs, et le dernier qui est sorti, je l'ai revu. Mal. Et je me suis dit, enfin quelqu'un qui s'est dit, on arrête tout, parce qu'il faut bien à un moment, on arrête tout, on reprend la genèse, voilà, et. ça termine tout de suite. Non, je la connais. C'est rien, c'était juste le bruit des fesses de Donnie, ça. C'est ça. Non, l'épaule gauche. Après, elle tord les fesses. Putain, mon épaule gauche, elle est vachement descendue. Bon, allez, les gars. Alors, quel film vous iriez voir, voilà. Harry. Flip 4. Non, franchement, une fois de plus, rien qui me plaît, là. Ouais, mais tout, à chaque fois, c'est pareil. Eh ben, je suis honnête, je vais pas dire pour faire plaisir. Tu vas jamais au cinéma? De moins en moins, ouais. Oh, putain. Non, mais je vais pas dire pour te faire plaisir. Bon, quel VHS tu vas louer la semaine prochaine? Ouais, c'est ça, foutu de ma gueule. Évidemment, je vais vous taire. Je vais te faire plaisir, le dernier, là, je sais pas quoi. Wonder Woman. Allez, on va vous vendre. Voilà, comme ça, t'es content? Et comme tu n'avais pas le droit. Non. Alors là, tu me dis. Tu veux pas aller voir Wonder Woman, tu rigoles ou quoi? Tu me demandes. Bon, va voir Wonder Woman. Mais non, c'est parce qu'il insiste alors. Quand même. Non, franchement. Le premier Wonder Woman. Non. Le deuxième Sniper, j'ai plus le titre. C'est The Wall. The Wall. Et le troisième, le premier. Excuse-moi les titres. Le tout premier. C'est pour donner de la vie à ta connaissance. C'est La Momie. Ah, Wonder Woman, le Sniper, La Momie. Peut-être La Momie. Tu vois, écoute, c'est quoi? On irait peut-être le voir à deux. Parce que il va voir Snapchat. On s'est tellement étalé. Excuse-moi, Momie, c'est parce qu'on s'est tellement étalé, j'ai perdu le film. La bande-annonce, elle est prometteuse. La Momie, ouais, peut-être bien. Elle est prometteuse, honnêtement. J'aime pas Tom Cruise, mais moi, ce qui me fait peur, je crois que ça va être soit Gigantesque, soit t'as Tom Cruise qui est mis, t'as la momie, j'ai bien vu, vous savez, je suis un peu branché vidéo, les plans séquences, les machins où sa féminité est mise vite fait, mais ça passe, et j'espère que tout le film n'est pas là. Et que ça va pas se faire chier avec la découverte de espérons la momie. Espérons que la bande-annonce, c'est pas j'espère, que le film, quoi. Parce que sinon, j'attends la momie 2, ou comme tout deuxième film, ils sont obligés, comme c'est parti très très vite et que la genèse est faite, ils sont obligés que ça parte très vite. Oui. Non, Onissa, je crois que elle en peut plus. Elle en peut plus de t'entendre. Elle a cru la mamie. Non, la momie. Onissa, tu sais ce qu'on dit dans ces cas-là? Avale et parle. Onissa. Comment? Tu vas voir quoi? Bah moi dimanche je suis au petit Courtrai, donc j'irai peut-être la semaine prochaine. Il y a le cinéma le samedi. Mais t'es pas obligé d'y aller tous les jours. Mais moi je travaille, je suis désolée, donc il y a que le dimanche. Mais le soir. Ah bah le soir je suis à la maison tranquille, dans mon jacuzzi. Oh, t'as un jacuzzi. Ah ouais, il y a rebranché tout le sérieux. C'est un jacuzzi. Parce qu'un jacuzzi, c'est privé et je suis toujours à poil. Donc. C'est le jacuzzi de Pierre Perret. Sérieusement, je m'en fous que tu sois à poil. Honnêtement, parce que moi, j'en ai rien à faire. Lui, il vient pour le jacuzzi, de toute façon. Tu m'emmènes une bouteille de champagne, tu m'en mets dans ton jacuzzi. C'est le pied, ça. Sérieux? Non. Je vais la payer. Ouais, bon, et allez, je m'en fous, que tu sois pas, je m'en fous. Encore un qui t'a pas vu à poil. Donc, je vous propose de faire une coupure musicale. Ouais, non, ça veut dire qu'on va devoir se quitter. C'est pas une coupure musicale. D'accord, si tu veux finir tout de suite. Non, c'est pas que je veux finir. Bon, on en était au jeu. On est payé jusqu'à 22h30. Tu sais, on a terminé avec le jacuzzi d'Onissa, donc il veut finir. Il va courir aller sa bouteille de champagne. Allez, on va faire un. Pour Onissa, une petite roulette. Une petite roulette. Allez, il veut mettre. Fais-nous une roulette sans gueule. Dis-lui pas roulette. Dis-lui pas roulette. Non, dis-lui pas roulette. Il vaut mieux une roulette qu'une. Non, dis-lui pas roulette. Ah ouais, parce que. Qu'est-ce que c'est une roulette? Roupette. Je vais faire une tournante dans les îles. Fais une tournante, fais une tournante pour Onissa. Allez, vas-y. Alors, si vous avez aimé. Par contre, tu commences, hein. Et par contre, si vous avez aimé l'émission, on a toujours une page 80 à l'heure. Si vous n'êtes plus là, n'écrivez pas. Voilà, n'hésitez pas à nous smiler, hein, comme on dit. Non, comme d'hab. Mais c'est bon enfant, il y a Pascal qui nous a laissé un message en disant qu'il y a la fête du foot au Risquons Tout samedi et dimanche. Génial. Voilà. Là, bah, c'est bien. Ah bah, c'est bien. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Bah non. Joli. Je m'en doutais, j'y vais la faire. Ah bah ouais. C'est pas possible. Pascal, on t'adore. Mais oui, bien sûr. Mais dimanche, c'est le petit Courtrai. C'est où? Au Risquons Tout. Voilà, et bah Pascal, une fois qu'ils ont fini de jouer. Excuse-moi, mais tu vas dans un quartier qui s'appelle le Risquons Tout. Bah Pascal, moi je t'attends avec ta femme et tout ça pour venir au petit Courtrai. Par contre, il y a le même soir, il y a une soirée au quartier qui craint. Non, mais le Risquons Tout, c'est un quartier connu. Mais on dit ça. Oui. Une blague, c'est une plaisanterie. Je connais le Risquons Tout. C'est vrai? Bah oui. Risque Tout alors. Bah, bon, on dit ça, tu me dis top. Top! Oh! C'est ah bah très bien. C'est quoi? Guns N' Roses avec Sweet Child O' Mine. Oh, j'adore. Sweet ça, Child. Bah, j'adore. Et on termine là-dessus. Allez, bah, c'est allez, parti. Ciao, ciao. Bon bah à la semaine prochaine. Ouais, alors. La semaine prochaine. Et au fait, petit message quand même à Stéphane qui a pas pu venir. Ah, oui, on te fait des gros bisous. Il y a des petits soucis, et voilà, donc il devait être avec nous et voilà, donc on lui fait un gros bisou. On te promet, on ramènera de la chimée. Allez, fais la gueule. Donc la semaine prochaine, même antenne. Il y aura certainement Maureen qui sera là. Ah, Maureen, bah, c'est bien. Qui fait la première partie du 21 juillet. Voilà. Maureen, c'est-à-dire, précise. Bah, tu connais Maureen. Oui, moi oui, mais pas des auditeurs forcément. Ah bah. Parce qu'elle avait chanté ici. Oui, elle a chanté ici il y a un an. Elle chante il y a deux ans, un an. Elle va revenir. Elle chante très bien. J'ai chanté avec. C'est une chanteuse. Vous tapez Maureen Maureen sur RQC. Maureen Maureen RQC. Et vous allez tomber sur deux vidéos de Maureen interprète en direct. On l'avait filmé à l'époque. Exactement. Et elle a fait. Toi, tu nous as fait l'honneur d'un petit jingle vachement sympa avec Maureen, avec son casque, j'adore ça. Ah, c'est vrai. Et qu'on revoit. Ouais, ah oui, c'est vrai. Exact. Oui, c'était. Non, j'ai aucun. Elle a une mais expression. Les gens ne savent pas que c'est Maureen. Mais c'est la photo du photographe qui a rien à faire au moment où il la prend. C'est qu'elle avait une expression. Elle était en train de vivre sa musique. Elle chantait Bodyguard. I will always love you. Elle chantait, et voilà, et on a la vidéo. Donc vous tapez Maureen, M-A-U-R-2-E-N-R-Q-C. J'ai peut-être fait une faute à l'époque, mais je sais que je l'ai écrit comme ça. RQC, vous allez tomber sur Google et elle chante très très bien. Ça sera un bon moment, je pense. Et bah, vivement la semaine prochaine alors. Et bah ouais. Je serais très content. Je vais la découvrir. Et on l'appelle Mimi, je sais pas encore. C'est vrai, Mimi, je sais pas encore. Je vois pourquoi je l'appelle comme ça, mais. Parce que à chaque fois, elle demande à se marier à son homme, et à chaque fois, elle dit alors, il t'a dit oui. Bah, je sais pas encore. Elle nous en parlera. Ok, bah écoutez. Ah, switch, I don't mind, tu vois. Ah oui. Guns N' Roses. Allez, bon, allez, on se retrouve la semaine prochaine. Démarre en live. Toi, tu la connais pas. Ah, vas-y. De quoi je la connais? Bah, il veut que tu chantes. Ah oui, faut que je chante. Bah, ouais, allez, vas-y, vas-y. Hey, écoutez ça. On n'a pas de son. Ah, ouais. Childhood memory, when everything was as fresh as a bright blue sky. Now and then when I see your face, she takes me away to that special place. And if I stare too long, I'd probably break down and cry. Whoa, whoa, whoa, sweet child of mine. Allez, à la semaine prochaine, ciao ciao. Where do we go? Where do we go?